Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up spécial WrestleMania 33. C'est arrivé, WrestleMania Week, c'est terminé, le week-end c'est terminé, le plus beau show de l'année de la WWE. Et on est là pour vous analyser tout ça, pour vous raconter tout ça. Alors ça se passait le 2 avril 2017, au stade de Camping World à Orlando, dans l'état de Floride. Et avec moi, pour nous expliquer tout ça, nous donner leur avis, le cher Hank. Comment vas-tu, Hank ? Bonjour, bonjour, ce mania formidable, ce mania formidable. Je suis bien content d'être là, merci de m'avoir invité. Et le patron du supplément, Yerem, comment vas-tu, Yerem ? Bah écoute, comme je le disais en off, je suis rincé de ce week-end de WrestleMania, mais je suis ravi, donc rincé mais ravi, formidable. Et moi je suis ringside, hein, n'oubliez pas, je suis présenté ou pas, et je suis très très content d'être là. On a beaucoup à raconter, hein, parce qu'il y a 13 matchs ce soir, dans ce plus gros show de l'année. Donc on démarre les hostilités tout de suite avec le kick-off. C'est le championnat des Cruiserweight, le King Neville, donc qui conserve son titre après 15 minutes 40 d'un combat acharné contre Austin Harris. Il échappe de peu à l'abandon en enfonçant son pouce dans l'œil du A-Double qui était en train de lui porter la last chancery, hein, sa manœuvre de soumission. Neville achève Austin Harris avec le Red Arrow. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet opener, Hank ? À toi la parole. Alors, ça fait partie de. Il y a deux, je crois, deux ou trois moments dans ce WrestleMania où j'ai un peu honte parce que j'aurais loupé quelque chose comme 2 minutes du match. Et du fait de mes conditions de regardage du show. Mais bref, j'ai loupé le tout début, mais j'ai beaucoup aimé le match. Je trouvais qu'ils étaient vraiment bien en forme. Il y avait tout ce qu'il fallait. Est-ce que c'est allé au-dessus des attentes? Je pense pas. Je pense pas que c'était un match incroyable. Et en même temps, Est-ce que c'est possible de faire quelque chose de vraiment incroyable quand on est en plein milieu de l'après-midi à Orlando, qu'il y a encore des gens qui sont en train de s'asseoir dans les chaises et qu'il y a 80 km/h de vent dans la gueule. Ah ça, ouais. On en reparlera du vent. Il faisait très très chaud, paraît-il, hein, sur place. Ils n'ont pas arrêté de se plaindre dans le kick-off, les présentateurs, là, ils paniquent. Ils étaient voilà, très chauds. Le seul point noir de ce match, c'est un de mes nombreux pronos complètement pourris. Et c'était le début d'une longue descente aux enfers pour mes pronostics. Le début d'une série noire pour Hank. Mais bah, c'était pas match, facile, voilà. Hein, celui-là. C'est pas vraiment, facile, vraiment un beau match de kick-off. Un beau match. Yerem, qu'est-ce qu'on a pensé de ce beau match ? Bah parfait pour commencer. Ils avaient vraiment une belle place, 15 minutes. Hein. On verra plus tard que d'autres matchs qui ont été sortis du kick-off n'y ont pas forcément gagné. Après, ouais, je pense qu'effectivement ce match, il pose le standard de la division cruiserweight, du niveau d'intensité que tu peux avoir dans la division cruiserweight, grâce à Neville, Austin Harris, qui sont vraiment pas des dieux du catch évidemment, mais vraiment qui sont super balèzes, quoi, et vraiment ils ont posé des bases. Après, comme dit Hank, est-ce qu'ils arriveront à aller au-delà? Je sais pas, moi il manque toujours un truc qui fait que c'est la division cruiserweight. Vous en parlez souvent, c'est quelque chose qui vient souvent dans le catch up pro. Moi c'est vrai que c'est une division que je suis seulement à travers les pay-per-view, et c'est vrai que au-delà du fait qu'ils sont petits et trapus, c'est beaucoup des soumissions, il y a beaucoup d'impact, et c'est des choses qu'on voit dans tous les autres matchs. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que c'est différent à part qu'ils font tous moins de 205 livres? Pas grand chose, mais malgré tout ils ont quand même délivré, ce qui n'était pas facile comme tu l'as dit, Hank, quand t'as les gens qui sont encore en train de s'installer. Voilà, mais pour moi ouais, c'est vraiment un super bon match et une super façon de commencer le WrestleMania. Ouais, ils ont bien chauffé le public, mais ouais, effectivement, comme tu dis, la WWE veut vraiment pas, traiter les cruiserweight de la manière de ce dont on voit chez les indies avec des spot fest comme on peut voir avec les Young Bucks, parce qu'ils en sont capables, hein, Neville et Austin Harris, de faire des trucs qui vont assez à l'heure comme ça. Donc c'est pas, apparemment c'est pas la vision de la WWE dans le roster principal des Cruisers. Donc ça te donne ce beau match là qui était impeccable, mais il y a pas forcément de différence effectivement par rapport à un match d'heavyweight. Moi j'ai trouvé intelligent le coup du pouce dans l'œil. C'est en référence un petit peu à ce que Austin Harris disait dans ses quand il était commentateur, où on lui demandait à chaque fois quelle technique il utiliserait pour affronter un de ses adversaires, et il disait toujours bah moi je lui mettrais mon pouce dans l'œil et puis après j'en profiterai. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, d'accord. Ah voilà, exactement. Ouais. Et comme une référence à sa blessure, donc Des oreilles que Neville a plutôt grandes, donc forcément il a tout entendu. La petite intelligence du booking qu'on retrouvera tout au long de la soirée. Mais j'imagine Neville en elfe, tu vois, et qui écoute et qui entend les trucs à 2 km comme ça. Beaucoup de sang a coulé cette nuit. Il y avait des belles images de Neville avec les cheveux dans le vent là, qui dominait son adversaire. Ah oui, ça. J'aime bien moi quand c'est en plein air comme ça, les shows, hein, en début de fin de journée plutôt, avec la lumière encore. Une petite musique de Top Gun derrière, voilà. Tu vois. Alors ça marche pas quand c'est l'avenue de l'Undertaker ou de Bray Wyatt, mais sur des matchs pour démarrer la soirée, je trouve. Ça va. Ils ont pas trop merdé ce soir là-dessus. Ouais, c'est bien. Exactement. Alors booking intelligent, bah, on en est loin avec la suite des hostilités, l'André the Giant Memorial Battle Royale. Donc voilà, hein, tous ceux qui n'étaient pas dans la carte étaient là, à l'exception de Samoa Joe qu'on n'a pas vu et Rousseff qui est porté absent. Et tant mieux pour eux. Voilà, c'est assez lamentable. Les favoris, c'était le Big Show, Strowman et Sami Zayn. Donc Strowman élimine le Big Show, puis il est éliminé à son tour par un effort collectif de tous les belligérants. Sami Zayn se fait sortir par Mojo Rawley, qui termine face à face avec, tenez-vous bien, Jinder Mahal. Jinder Hard Body Mahal. Jinder va faire l'erreur d'aller provoquer un ami de Mojo qui est au premier rang, le footballeur Rob Gronkowski, que j'appellerai Gronkowski pour l'histoire. Ce dernier va monter sur le ring, faire sa fête à Mahal, qui se fera éliminer ensuite par Mojo Rawley. Donc Mojo Rawley est dernier survivant de cette bataille au Royal. Alors le public avait l'air content, et est-ce que vous étiez content, vous, Yeren, vas-y. Je pense que justement il fallait être américain déjà pour comprendre ce qui se passait, parce que même je soupçonne l'agent de sécurité qui est justement a empêché Rob Gronkowski, comme tu dis, d'entrer. Je pense qu'elle n'était pas au courant de l'implication du joueur. Elle a cru que c'était un fan qui passait par-dessus la barrière. Il a fallu que tous les arbitres viennent pour lui expliquer que le KFM, ça fonctionne toujours. Oui, le KFM. Alors ça c'était assez drôle. Effectivement, après il fallait être aussi dans le staff. Je pense, pour être soulevé par l'énergie visiblement positive qui rayonnait de l'ami Mojo. Là, par contre, quand on y pense, ce Final 2 était assez... Même le Final 4. Hein, oui, ce qu'on disait, mais même ce que disait Hank en off, dès que Sami Zayn est parti, ça devait être quoi, le Final 10 peut-être à ce moment-là. Et là, tu dis, mais qu'est-ce que... Tu commences à compter et à faire la liste des gens qui sont là et tu fais, non, c'est... Fin, rien ne va me plaire de toute façon là. Donc que tu vois que Titus O'Neil élimine Luke Harper, je crois. C'est ça. Ça faisait peur. On est en train de se dire, mais c'est une mauvaise blague. On était le 2 avril. Tu dis bon, c'est le lendemain. Voilà, les mauvaises blagues c'était la veille. Voilà. Et bon, bah effectivement, je pense que ça a marché. Le fameux WrestleMania moment dont parlait Mojo Rawley, qui était le premier à s'être déclaré entrant à cette bataille royale, ce qui est plutôt pas porteur de bonnes nouvelles en général. Là, visiblement, ça lui plutôt réussi. Voilà, après il y avait aussi l'intervention d'une star sportive, une star américaine. Au moins c'est le mérite d'évacuer ça en pré-show et de pas nous emmerder avec ce genre de truc pendant les 5 heures qui ont suivi. Donc globalement c'était nul, hein. On est bien d'accord, c'est vraiment un chier. Que tu vois partir Braun Strowman et Big Show, tu dis bah ok, ils vont en profiter pour Sami Zayn. Enfin, faut que ça bénéficie à quelqu'un, toi. Là, Mojo Rawley, ils vont faire quoi? T'as pas envie qu'ils en fassent quelque chose? Bah, ils vont le pusher un mois, je pense. Et puis après, ce sera fini. Un mois de push gratuit avec votre coupe. C'était, ouais, non, c'était nul à chier. C'était nul à chier du début à la fin. C'est incroyable. Aucun storytelling hein, pendant le match. Souvent, on en Oui, profite. voilà, c'est ce que j'allais dire. C'était nul à chier. C'était nul. On parle pas seulement de nos chouchous, de ce qu'on veut, enfin, qui on veut voir gagner, etc. On parle du match. Le match, il n'y avait pas de duel. Il n'y avait pas de moment de tension. Tout était brouillon. Hein. Franchement, on comprenait rien. Il y a eu un duel. C'était même pas un duel, c'était un regard. Big Show Strowman. C'est le seul moment où ils se sont arrêtés 2 secondes. Et on s'est dit, ah, ça y est, ils vont commencer à faire quelque chose un petit peu. Au moins qu'on voit de la baston pendant 2 minutes, quoi, une vraie baston. Et puis non, puis tout le monde. Puis il y avait trop de gens dans ce ring, putain. Juste, tu vois rien, hein, tu vois vraiment rien quand il y a 33 personnes dans le ring. C'était une mauvaise idée. Même si ouais, c'est WrestleMania 33, on va mettre 33 personnes. LOL. Mais voilà, c'était très très mauvais jusqu'à la fin. Et franchement, peut-être le seul truc qui sauve ce match du zéro pointé, c'est que on sait jamais, dans un univers parallèle, ils auraient pu faire gagner Jinder Mahal. Donc du coup, Mais franchement, ouais. C'est pas lui, pour il a rien été qu'il sélectionné pour faire la y pop. a que ça, il y a que ça qui me genre contente, c'est que au moins parmi tout ce que vous avez fait de mal à la fin, vous avez quand même pas mis Jinder Mahal en gagnant, parce que là. Mais c'est là où ils ont réussi leur coup, c'est que c'est pas anodin s'ils ont mis Jinder Mahal face à Mojo, parce que Mojo, c'était pas forcément gagné qu'il allait être poussé par tout le monde, mais forcément en se retrouvant face à Jinder Mahal, bah c'est calculé et les gens, bah t'es obligé d'être derrière Mojo Rawley à contre-cœur, mais c'est entre la peste Ouais. et le choléra. Et c'est dommage parce qu'ils avaient quand même bien joué le coup avec Corbin l'an dernier, et on sentait que du coup la coupe était en train de se retourner un petit peu vers justement une espèce de nouveau comment j'allais dire Money in the Bank, pas Money in the Bank, mais je vais dire le nouveau symbole du rookie qui est en train de monter, Ouais, c'est ça. et voilà. Et là, personne n'y croit, Mojo, il va lui falloir au moins un an, 2 ans avant qu'on voit déjà quelque chose de bien dans un match. Parce qu'à part foutre des clotheslines et foncer comme un sanglier dans les gens, Ouais. il Puis sert pas à grand-chose. il a l'air dangereux dans le ring, hein. Je pense qu'il va blesser des gens. Ouais, c'est un peu le nouveau Ryback, quoi. C'est ça. Mais en moins impressionnant. Bon, on soulignera quand même la présence de Killian Dane de NXT, du clan Sanity, hein, qui a fait une belle petite prestation. Et Oui. Ah, un le beau tablier de Chinois. forgeon. Le Il était dans Chinois les Hank. derniers. Hein. Comment s'appelle le Chinois? Il s'appelle Bing. Tian Bing. Tian Voilà, bien Bing. joué. Et putain, j'ai essayé. En plus, j'avais donc du coup deux potes à côté de moi, hein, qui ne sont pas restés pendant tout Mania, heureusement. Enfin bref, toute une histoire. Mais J'aurais vu deux potes qui me trois demandaient, genre, ouais, c'est qui ce type-là? Et j'ai, putain, je sais pas. français. Genre, au début, ils me disaient, mais tu connais tout le monde? Non. Ah non. Non, non. Tian Bing, non. Tian Bing. Voilà. Donc Corbin qui avait quand même apporté du prestige à cette couple de André de Géant qui va retourner un petit peu dans la pénombre avec Mojo Rawley. Allez, on enchaîne avec le championnat intercontinental. Dean Ambrose bat à la surprise générale Baron Corbin avec un Dirty Deeds Out of Nowhere qui vient contrer un End of Days du Baron La dépression, la qui aura dépression. été. Donc un Baron dominateur tout au long des 10 minutes 55 de ce championnat intercontinental que beaucoup considèrent comme un match à la limite de weekly. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Ouais non mais terrible. Alors je déteste ce genre de storyline dans ce booking quoi. Enfin personne n'y gagne vraiment. Allez, bah, le baron était un peu protégé dans l'histoire parce qu'il a jamais réussi à porter son finisher et que le Dirty Deeds reste n'en déplaise ne nous en déplaise pardon une sorte de RKO. Une fois que t'es le finish est porté, c'est foutu. Tu t'en sors, tu t'en extirpes pardon le plus rapidement possible. C'est toujours l'histoire qui est racontée, mais là elle a été racontée de la façon la plus extrême possible puisqu'il n'a fait que subir tout le long. Et il y a eu des beaux contres hein, dans ce match, il y a eu quelques bons spots malgré tout, mais enfin c'est naze quoi d'avoir ces matchs à sens unique et Dean Ambrose, il faut vraiment il enfin c'est pas bon pour lui ce genre de booking quoi les gens applaudissaient mais ça montre quoi? Ça montre un mec qui se fait dominer tout le temps et qui bah voilà, il porte ça à son finish et il gagne C'est navrant et côté en plus un peu lazy encore de Ambrose qui revient là. Franchement, c'était un match de feignasse. Même le Baron, j'adore le Baron, mais même enfin sentait les mecs qui étaient pas motivés. Ils ont été, c'était pas prévu hein, qu'ils soient en kick-off. Ils les ont switché avec le match des filles de SmackDown visiblement. En tout cas, c'est ce qu'on a. Et je pense que les mecs, enfin visiblement, ils avaient pas l'air motivés. Donc tu mets un Dean Ambrose pas motivé, cherche pas. Hein, le résultat, il est là. Hein, donc. Mais c'est le souci avec ce type quand même. C'est vraiment un souci. C'est-à-dire que, d'accord, si donc du coup cette histoire se vérifie qu'ils ont switché, enfin ça, d'ailleurs c'est très très probable parce qu'on pensait tous, justement dans les pronos, on a tous mis le match féminin dans le kick-off. Si il se passe un événement comme ça veut pas dire genre ah bah ça y est, j'en ai plus rien à foutre. Voilà. C'est vraiment une mentalité de merde s'il pense comme ça. Ouais, il était, enfin moi j'ai trouvé pénible ce match hein. Il était c'était j'ai trouvé ça un peu mou du genou mais ouais pareil Corbin je le trouvais vraiment alors bon il a déjà une gestuelle de base où il est un peu il est pas ultra énergique quoi mais là vraiment je l'ai senti vraiment bah, mou il était tout seul. Ouais, Ouais, c'était Ambrose de porter le match, hein, de toute façon. mais C'était lui voilà. le vétéran. On sait très bien que Corbin, il est limité. Ça va être son deuxième coup à WrestleMania, la première fois dans un match solo. Donc voilà, il ne fallait pas compter sur lui pour élever le niveau. Et puis on voit bien qu'Ambrose, quand il veut pas se bouger le cul, ben, il ne se bouge pas le cul. C'est sûr que c'est une petite descente pour lui, parce que l'année dernière, je crois qu'il s'était contre Lesnar. Donc il était plutôt Ambrose? bien placé. Il était plutôt bien placé sur la carte et voilà, là il redescend en kick-off. Bon, c'est quand même le titre intercontinental, donc il aurait pu faire le. Voilà, il aurait pu se lever le cul. C'est pas si comment dire, dégradant de ça, hein, de faire le kick-off. C'était à lui de voler le show, mais on voit bien, voilà, c'est sa limite à Dean Ambrose, c'est qu'il se bougera jamais le cul plus que ce qui est prévu. Ouais, exactement. C'est vraiment dommage. Mais franchement, je trouve quand même que le Baron a fait ce qu'il pouvait, on va dire, mais que comme tu l'as dit, voilà, c'est Dean Ambrose qui devait faire le boulot et ça aide pas, voilà, à le porter un peu plus dans mon cœur. Voilà, un point noir pour un mauvais point pour Un Dean point Ambrose. noir, Un un gros gros point point noir noir sur au milieu le nez. du visage du catch. Bon, Ouais. est-ce qu'on a un invité surprise qui arrive tout de suite ou Ah est-ce bah il qu'il me arrive un semble peu hein, plus tard? ça Eh, sonne, ça te j'entends une notification au ça a toqué loin. à la porte. Est-ce Normalement qu'on en a? j'ai fait changer la serrure. D'accord. Il Et là. rentre avant qu'on enchaîne. Parce qu'en Pardon. plus, c'est bien, il arrive pour le début du. On a juste terminé J'ajoute à la le kick-off. conversation l'invité mystère. Tadam! Va-t-il arriver? Va-t-il faire bugger notre enregistrement et nous casser notre podcast? Désolé pour ce moment de flottement, les amis. Oui. On attend un C'est pas nouvel grave. Par intervenant. contre, On montera. Et moi, un petit mot sur le décor, peut-être, en attendant que Giscal Ouais, parvienne voilà. à passer Très, les portes très le joli portail de décor. sécurité. Ils Avec ont une rampe de 2 km. qui voilà, Oui. ils ont retrouvé quelques astuces pour voilà pour certains de nos catcheurs, voilà un petit peu en fin de carrière, on va dire. Mais c'était même, enfin au niveau pyrotechnique et les lumières et tout ça, enfin ils ont vraiment sorti le grand jeu. Il y avait ce looping là d'attraction qui était là derrière. C'était à la fois, c'était pas trop too much. Alors ils auraient pu faire un truc hyper too much, vraiment en mode Disneyland. Alors le ring au-dessus du ring, peut-être que là c'était un petit peu, là c'était très J'ai bien aimé d'un le coup un petit peu simpliste. j'ai bien aimé le côté too much de ça. Ouais, je m'en suis rendu compte qu'à la moitié de la soirée en plus. À petite dose, mais Non, moi c'est le serpent épileptique de Randy Orton qui m'a oui. Non, mais attiré des j'imaginais le mec qui faisait avancer le serpent, le roi du snake sur Nokia 3310, tu sais. C'est bon. Bon Bon ben, alors, Bon, on peut Il peut-être arrive, il enchaîner. arrive pas? On enchaîne? Ouais, on va enchaîner. Je ne crois pas qu'il arrive, tant pis pour lui. Enchaîne. Pas d'invité surprise finalement. Il restera. Je sais pas, Tu passais, il y a tu plein de messages, l'étais, mais. voilà. Bah vas-y, enchaînons Ringside et puis on verra. Allez, Hein. on attaque Adviendra qui bah, le pourra. premier vrai match hein, de WrestleMania. AJ Styles face à Shane O'Mac, le commissionneur de SmackDown Live. C'est bien AJ Styles qui sort vainqueur de son règlement de compte avec le commissionneur de SmackDown. Duel de lutte et spot de fou pour un match bien éloigné de la purge annoncée. Shane O'Mac succombera à un phénoménal forearm au bout de quand même 20 minutes et 9 secondes de match. Et une belle démonstration des capacités techniques de Shane McMahon, finalement, qui va commencer le match en faisant du map wrestling. Et puis, tout doucement, bah, on va virer vers le match hardcore, tel qu'on les apprécie avec Shane O'Mac, avec le coast-to-coast, des utilisations de poubelles. On va traverser la table des commentateurs. Mais c'est quand même AJ Styles qui sort vainqueur. Alors, les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé? Hank, je t'en prie. Ouais, je suis en pleine perdition dans mes paramètres de Skype. Mais sinon, sinon ce match était incroyable. Attends. Hop, hop, hop, Voilà. hop, hop. Voilà, c'est bon, je vous renvoie. Donc, ce match, Shane AJ Styles, pendant que Jiska est en train de spammer des notifications et que mon son continue de bipper. C'était un match genre 10 niveaux au-dessus de ce que n'importe qui pouvait deviner. De ce match. Et j'ai et c'était pas que AJ Styles hein. Attention parce que les explications genre oui AJ Styles il fait de la magie avec n'importe qui. Oh. Shane McMahon a fait Oh. je pense un de ses meilleurs matchs enfin j'ai pas vu tous les matchs de Shane McMahon mais je pense que c'était un de ses meilleurs matchs de sa vie parce que franchement il a été en forme pendant tout le match j'ai trouvé. Il a fait des spots vraiment intéressants sans être que des trucs suicidaires. Il a même réussi à me faire croire en ses coups de poing qui étaient ridicules à ses derniers matchs. Et là, cette fois-ci, je sais pas, il avait une façon de. Il était plus violent en fait que lors de ses derniers matchs, je trouve. Il était plus incisif. J'ai beaucoup aimé le jeu du coast to coast, AJ Styles qui essaie de faire un coast to coast et Shane qui lui balance la poubelle juste à la dernière minute dans la gueule. C'était magique. Et ensuite, Shane qui fait donc du coup son coast to coast. Et tandis que Giscal sabote une nouvelle fois. Je suis content d'interrompre Hank. Après environ 15 bips sonores dans mes oreilles, désormais, à la moitié de mon commentaire. Bref. Donc, ouais, et Styles, fantastique comme d'habitude. Hein, je veux dire, il y a rien. AJ Styles, il rate rien. Hein, il rate pas un seul match. Hein, il est jamais décevant. Et donc, oui. Et il y a deux matchs que je considère les deux meilleurs matchs de la soirée et qui sont pour moi au même niveau dans des genres différents et c'est un des deux matchs. Alright. Donc voilà, c'était magique et c'était fun quoi, c'était tellement fun à regarder. C'est juste ça quoi finalement. C'est la bonne surprise hein, de voir ce Shane O'Mac là qui commence à sortir le grand jeu, voilà, on était loin du truc dégueulasse auquel on attendait, pas de ces petits coups de poing de merde. Yerem, toi, t'étais emballé? Bah Je donne écoute, la parole à Giscale après, quand il aura tout oh. dit de se calmer. Bah disons que, bah, en fait, ce qui est, si vous suivez le supplément SmackDown, on en a parlé évidemment, puisque rien, Je on vois est pas pourquoi il suivrait pas, en hein. tant que fin analyste, voilà. Mais en fait, ils nous ont emmenés dans une voie à la base totalement illogique par rapport à la rivalité qu'ils avaient mis en place, puisque les mecs en étaient venus à se mettre sur la tronche backstage, en se balançant la tronche à travers le pare-brise. Qui dit ça en général, tu dis bah une bonne stipulation, plus Shane McMahon, on se dit le mec a besoin, c'est ce qu'on dit, hein, il a besoin d'une stipulation pour pouvoir justement se bagarrer à l'extérieur, sortir la chaise, etc. etc. Donc là on s'est dit merde, l'inquiétude était légitime à ce moment-là. Et là le mec, il s'est dit, eh au fait, si j'étais catcheur, qu'est-ce que je ferais si j'étais catcheur? Si j'étais Et c'est pas ça. un bagarreur, qu'est-ce que je ferais? Donc, Ça. il n'a pas été un catcheur, mais il a vraiment bien joué le catcher. Il a vraiment bien joué le catcher. Moi, ça m'a fait penser, vous savez, des fois qu'ils invitent ces mecs du showbiz, genre Green Arrow, toi, le mec qui faisait Green Arrow, et que les mecs, ils prennent ça un peu au sérieux, ils vont à la salle, ils s'entraînent. Alors, ils sont souvent assez mal placés, etc., mais ils y vont et l'illusion marche bien. Et ben là, c'était vraiment le niveau maximum de ce mec qui a été invité et qui joue au catcher, mais il a vraiment bien joué au catcher. Et il y a eu quand même des contres, des prises de soumission, des enchaînements qui Non étaient mais assez incroyable. incroyables. Le DDT là, qu'il a porté sur AJ Styles, qui sautait, je crois, du turnbuckle à ce moment-là, était incroyable à couper le souffle. On a tous été pris à l'envers ou par derrière ou comme vous voulez. Et c'est la sensation que On j'ai veut pas savoir ce que vous éprouvée. avez fait, hein, dans la C'était, et soirée. c'était pas une sensation désagréable, je suis désolé. Mais, voilà, Je ne cautionne on a rien. besoin du témoignage de l'amiral Je tape Wade. suffisamment sur Shane depuis son arrivée. Je trouve toujours qu'il est vraiment exécrable. Dès qu'il a un micro entre les mains, il n'arrive pas à gérer une foule. C'est la foule qui le gère, en fait. Mais là, sur le ring, il a joué au catcher. Et autant AJ Styles a été parfait, mais enfin, c'est normal, on va dire, entre guillemets. Autant Shane McMahon a vraiment réussi à élever son niveau, en tout cas jouer une partition inattendue. Et je te rejoins, Hank, hein, pour moi, c'est vraiment un de mes matchs préférés de la soirée, quoi. Et en plus, hein, avec un résultat qui était peut-être attendu, mais l'histoire racontée, enfin, ce qu'ils nous ont montré entre les cordes, était vraiment super, quoi. Donc, ravi, ravi. Un super opener. C'est vrai que Alright. c'est juste un truc que j'ai pas précisé dans ce que je disais, mais c'est aussi un match vachement particulier parce que ouais, il y a ces passages où on voit Shane faire des choses qui sont techniques finalement. Vraiment au sol, il y a des trucs qu'il a fait qui étaient rapides et techniques. Et c'est un super match à regarder, hein, vraiment aussi. Parmi les si vous regardez pas tout WrestleMania, regardez ce match obligatoirement. Ton avis, Giscal? Enfin, j'ai l'impression que tout le monde a adoré ce match, donc je suis très content. Déjà, je m'excuse auprès des auditeurs, hein, je n'ai pas mon matériel de son. Alors, le son est peut-être pas extraordinaire, il y a peut-être un petit bourdonnement, je ne sais pas. C'est assez honteux en effet, mais bon, Bon, t'es pardonné. je suis désolé, hein, je fais tout pour pouvoir commenter avec vous, alors du coup, je Alors, suis pas dans les conditions optimales. Non, mais écoute, moi c'était la bonne surprise aussi, parce que peu importe mon optimisme débordant, je ne m'attendais absolument pas à voir un match d'une qualité incroyable, et Shane McMahon a quand même été assez impressionnant. Il a taffé pour ce match. On sent que il l'a pas pris à la légère, cet affrontement. Bon, vous avez déjà dit tout le bien que je pense. Moi, je donnerai une petite anecdote que j'ai trouvé assez drôle et je pense révélatrice, mine de rien, c'est que pendant notre soirée de visionnage de WrestleMania, j'avais invité un de mes amis qui suit le catch de très très loin, hein, mais qui est pas forcément, enfin qui est pas un suiveur aussi averti que nous, mais qui par contre est un expert enfin il fait du jujitsu, il est plutôt pas mauvais, et il a eu cette remarque pendant le match quand Shane a fait commencer ses enchaînements au sol, qui étaient d'une propreté quand même assez remarquable, hein, les enchaînements de soumission que Shane a fait sur AJ Styles, ils étaient là, mais attends, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, Shane? Il fait du jujitsu. C'est quoi ce pro? Il s'est entraîné avec qui et tout? Mais non, mais c'était assez bluffant de voir finalement Papy Shane O'Mac d'un seul coup sortir des séquences au Papy. sol. Non, mais des séquences au sol juste hallucinantes, quoi. Et puis après son DDT qui lui place derrière. Enfin bref. Donc il a surpris tout le monde et ils nous ont surpris. Et puis bien évidemment un coup de chapeau. AJ Styles qui est comme toujours impeccable, hein. Donc c'était la grosse surprise, et moi aussi c'est dans mon top 3, je pense, des matchs de la soirée sans problème. Et je m'attendais pas du tout à le voir en opener. Ça, je sais pas si on en a discuté, mais c'est vrai que c'était un choix original et finalement payant, parce que ça a lancé le show sur les sup de très très bons rails. Ouais, ils sont pas trop gourés sur l'ordre des matchs, à mon Ouais. avis. Ouais, alors ils pratiquent un hein, jiu-jitsu et compagnie, Oui, Shane O'Mac. Hein, c'est on avait vu pendant sa rivalité avec Taker, en fait. Ah d'accord, ok. J'avais pas. Y avait des vidéos, et justement, en fait, ce qui était un peu triste, c'est que y avait pas mal, il y a eu deux ou trois vidéos promo de Shane avant le match contre Taker, où on le voyait genre dans un ring de boxe, en train de s'entraîner et On n'a être pas eu super, ça. super rapide et tout. Et finalement, en fait, il a jamais utilisé ça hein, contre le Taker, Non. à part genre le moment où il fait son. Non, c'est vrai. Ah oui, le dernier truc que je voulais dire, c'est finalement Shane a fait ce que Ambrose n'arrive toujours pas à faire dans le ring, en fait, Un parce que bon finalement match. la personnalité, ouais, non mais la personnalité de Shane finalement est très proche de celle de Ambrose. C'est un mec qui est suicidaire, qui est pas forcément un super catcheur, qui doit un peu risquer sa vie pour gagner, quoi. Et voilà, donc on avait deux exemples, genre Fils du patron. complètement. Voilà. Qu'est-ce qui catche bien le fils du patron, quand même? Bon, alors, on va enchaîner. Ah, moi, j'ai rien de plus à ajouter, effectivement. Hein, c'est la bonne surprise. Forcément, avec AJ Styles dans le lot, c'était obligé que ce soit bien, en fait. On n'y a pas cru, il fallait y croire. La WWE, comme d'habitude, elle nous fait mentir. On adore ça. Allez, on enchaîne avec le règlement de compte entre Kevin Owens et Chris Jericho, avec le titre US en jeu. Kevin Owens remporte le titre US en détruisant Chris Jericho, qui ne se relèvera pas de la destructrice powerbomb sur le tablier du ring de Owens. Qu'avez-vous pensé de ces 16 minutes 20 de combat fratricide, annoncé comme le show stealer de la soirée par beaucoup? Dernière arrivée, Giscal, dis-nous tout, mais pas 3 heures, hein, s'il te plaît. Non, non, rapide. Bah, j'étais un peu. Bon, il était top ce match, hein. Mais c'est vrai que bah, tu l'as dit, on l'annonçait comme étant le gros show stealer de la soirée, ce sur quoi, après coup, bah, ça n'a pas forcément été le cas. C'était un bon match qui a plus ou moins conclu cette rivalité. On parlera de la suite dans votre catch-up pro de la suite de cette rivalité. Le match était bien. Le spot de J'ai adoré le spot de Kevin Owens, hein, qui place le doigt sur la corde pour un near fall qui était super efficace. Le seul truc, c'est peut-être à part ça, ouais, je ressors peut-être pas de ce match avec des souvenirs, enfin des moments vraiment marquants. C'était un match très propre, pas d'erreur, mais pas non plus de spot de ouf. J'ai pas trouvé Kevin Owens aussi en verve que d'habitude. Donc voilà, pour moi, c'était un bon match sans plus. Je m'attendais peut-être à peut-être un peu plus de folie. Et puis bon, bah, je me suis trompé sur mon pronostic. Je voyais l'amitié triompher, le bien triompher. Mais ça n'en a pas été ainsi. Ah non. Irem, dis-nous tout. Eh oui, l'amitié n'a pas triomphé. Le dédain et la traîtrise sont des valeurs plus importantes C'est ça, il faut dans la croire. vie. Voilà, c'était une leçon de vie par Monsieur Kevin Owens. Il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des jeux qui sont faits. Voilà, des outils utilisés. Chris Jericho n'était qu'un outil parmi d'autres. Voilà, et je trouve qu'effectivement, ça manquait un peu de psychologie en fait dans ce match. Il y en a eu plus vers la fin de la psychologie. Je sais pas s'ils se sont rendu compte qu'en fait il y avait vraiment une histoire entre les deux. Ils ont commencé à se piquer leur prise, plus de contre, plus d'interactions entre les deux, du trash talk, etc. Du coup, comme tu le dis, voilà, c'était un petit peu, c'était propre, peut-être même trop propre en fait par rapport à la rivalité. Après, ouais, ça doit être ça. Ouais, c'était pas assez sale, c'était pas assez sale. Mais ouais, pour moi, c'était un vrai holy shit moment qu'il a posé son doigt sur le Kevin Owens. C'est vraiment, enfin, tu dis, enfin, c'est pas limite, il y a que lui pour penser et oser faire ça, quoi. C'est un troll, ouais. C'est pas possible. Et je sais plus qui disait justement qu'on a regardé ensemble, que ça faisait peut-être référence au tableau. Ouais, c'était moi qui disais ça, mais je pense Du que don de Dieu là, où tu as Kevin Owens qui je dois être je Chris pense que Jericho. c'est surtout son style de se foutre un peu toujours de la gueule des codes. C'est C'est ça. plus ça. Ce qui aurait été très drôle, c'est qu'il le fasse avec son middle finger, mais bon, ça aurait peut-être été un peu trop. Hank, dis-nous Ouais. tout. Alors, du coup, c'est le match. J'avais dit qu'il y avait deux matchs que j'avais pas vu en entier. Donc c'est l'autre match que j'ai pas vu en entier. En fait, j'en ai vu genre une dizaine de minutes, mais donc ce que j'en ai vu en fait était très bon, mais oui, j'ai pas senti que c'était plus particulier que d'habitude. Je sais pas vraiment ce qui manquait vraiment à ce match. Peut-être après, comme je l'ai pas vu en entier, je peux pas me permettre de critiquer, mais peut-être qu'il manquait un peu de psychologie. Je sais pas. Ouais. Enfin, ce qui est étrange d'ailleurs, c'est que de drama. Ouais, sur la même thématique de l'amitié, il y a eu cette longue rivalité qu'il avait évidemment naturellement avec Sami Zayn. Et on était vraiment sur le même genre, quoi, une amitié trahie, etc. Et je sais pas, est-ce que c'est parce que c'est une véritable amitié qui a nourri la rivalité avec Sami Zayn ou pas, mais je trouvais qu'effectivement, il n'y avait pas autant de psychologie qu'il y avait eu avec les matchs qu'ils ont eu, enfin qu'il avait eu avec Sami Zayn. Peut-être pour éviter la répétition aussi, hein, parce que. Ouais, mais bon. C'est ça. Mais il manquait 5 minutes au match, en fait, hein, parce que c'est. Peut-être. C'est un petit quart d'heure. C'était quand même la rivalité phare d'Euro pendant des mois et des mois, et ils n'auront peut-être pas donné l'importance qu'il fallait sur la carte. Ouais, là, on voit quand même que. Ouais. On voit que ce qui se passe à Raw, finalement, quand c'est l'heure de WrestleMania, la donne change un petit peu et on ne met pas l'accent sur ce à quoi on peut penser. Voilà, Vince, il a sa vision. Vincent, comme on dit, il a sa vision qui est peut-être un peu différente de ceux qui bossent toutes les semaines à Raw. Après, c'est compliqué. Enfin, je veux dire, tu regardes la carte, comment tu mets des priorités à droite à gauche? Il y avait que des matchs à part, à la limite. Tu pouvais enlever 5 minutes à Cena et sa femme, je pense. Ouais, peut-être. 5 minutes, mais ça aurait duré 1 minute 30 en fait. Ouais. Non, mais la carte était juste fat. C'était un burger de ouf. Ah, j'ai jamais mangé un aussi gros burger, quoi. Mmh. Ah, c'est vrai que c'était énorme. Allez, on va enchaîner parce que sinon on n'a pas fini. les filles, championnat féminin de Raw. Nia Jax contre Charlotte, contre Sasha Banks, contre la championne Bayley dans un combat Fatal 4-Way à élimination. Nia Jax est la première éliminée suite aux efforts collectifs de ses trois adversaires qui lui portent une incroyable triple powerbomb, hein, si je ne dis pas de bêtises. C'est le Shield. Les Shieldettes. Voilà. Les Shieldettes en action. Les Shieldettes en tournée. Sasha Banks est ensuite éliminée après s'être mangé un coin du ring qui est censé être débarrassé de sa protection mais qui ne l'est pas vraiment. Ça c'est au sortir d'un schoolgirl roll-up qu'elle porte sur Charlotte, hein. C'est le petit roll-up qui lui a fait gagner pas mal de matchs ces derniers temps, et au final c'est bien Bayley qui remporte la victoire avec un diving elbow Macho Man style sur Charlotte. Ce match Fatal 4-Way, excusez-moi, il a duré exactement triple threat plutôt. 12 minutes. Dis, qu'est-ce que vous en avez pensé, Hank? Vas-y, à toi la parole. C'est court, 12 minutes. Non, mais c'est ma première pensée quand tu dis ça. Et finalement, c'est vrai que ça paraissait un peu court. Mais c'était vraiment un très bon match. Hein. C'était à part que une nouvelle fois, j'étais deg à la fin et que j'étais en train de me dire, je suis en train de faire perdre mon équipe. mais sinon, en fait, les pronoms ont joué un peu dans mon avis de Cyril Salmania. C'est vrai qu'on est 3-1 en plus. J'avais pas fait gaffe là. Exactement, et vous avez gagné, donc c'est normal. On en parlera. Mais hélas. Et donc du coup, ce match, ouais, non, très très beau match. J'ai aimé le fait que finalement tout le monde, peut-être Sasha Banks un peu moins, mais sinon tout le monde est apparu vraiment fort dans ce match. Je sais pas, j'ai pas de spot de Sasha Banks. T'as trouvé Bayley forte par exemple? Ouais, tu vois, moi j'ai pas trouvé Bayley très forte dans ce match. Bah, Bayley, elle était forte en fait dans les deux dernières minutes, quoi. Oui, c'est ça. Et elle respecte le théorème John Cena. Donc c'est la John Cena féminine. Une cinette, donc. Elle a fait une cinette. Non, mais donc voilà, c'était un très bon match, mais c'était aussi un très bon match qu'on aurait pu, j'avoue, avoir à Raw. Je pense que c'était pas. Il y avait. Ça dépensait pas. Putain, mais. on entend les. Pour les gens qui écoutent, pour les gens qui écoutent les podcasts, en fait, si vous entendez du verre, c'est simplement Ringside qui est dans sa cuisine, qui est en train de se servir une pinouille et qui est en train de cogner. Et comme il garde son casque avec lui, bah, on a vraiment une capture sonore. Il garde son casque par-dessus lui. Ouais, je sais plus si j'avais coupé le son ou pas. Il prend même son bain avec, il est tout le temps son casque. Voilà. Moi, j'ai jamais vu Ringside sans. Soyez content, il s'est quand même contenté d'aller chercher une bouteille, ça aurait pu être pire. Si le match était bon, le résultat pour le coup était vraiment le plus plat qu'on aurait pu imaginer. Non mais je suis content pour Bailey, mais ce que je veux dire c'est que oui, non mais je vois ce que tu veux dire. Ils ont grillé la cartouche au dernier pay-per-view et du coup là il y avait pas de surprise, il y avait pas d'interrogation, ils ont rien fait au niveau de la comment la rivalité qui arrive, Banks, Bailey, on la voit venir, ils n'ont rien fait avec ça. Je ne dis pas qu'ils auraient dû faire le heel turn de Sasha Banks, mais là, ils n'ont vraiment rien fait. Hein. Ils ont vraiment, c'est vrai. Là-dessus. Donc voilà, dommage. Charlotte était magnifique. J'adore Charlotte. Voilà. Charlotte, quand elle est arrivée avec les feux d'artifice derrière elle, là, c'était magnifique. Ah bah, elles ont eu toutes les quatre, elles ont eu vraiment des super entrées dignes de leur rang. Sauf Nia Jax, ouais. Enfin, digne de son rang. Digne de son rang, voilà. Elle n'a pas encore goûté au plaisir d'avoir la ceinture autour des hanches. Donc, ouais. Ils sont encore en train de la construire. Ouais, c'est ça. En fait, déjà qu'on arrivait à la finale, c'était bizarre. Qu'on s'est retrouvé avec Charlotte versus Bailey, c'était étrange. On s'y attendait pas forcément. Et comme tu le dis, ils n'ont pas réussi à raconter vraiment d'histoire en fait. À la limite, la seule histoire qu'ils ont réussi à raconter, c'était peut-être que Charles. Enfin, c'est pas que Charlotte avait des relents de face par moment, mais bon, elle était très stratège. Non seulement elle est forte, belle, mais très intelligente. Parce qu'il y a cette séquence où elles sont toutes les trois et elle s'écarte du ring. Et elle invite Bailey et Sacha à se mettre sur la tronche, parce que visiblement, en mettant un peu d'huile sur le feu sur cette rivalité naissante. Pour mieux après évidemment retourner leur mettre sur la tronche, mais cette finale était étrange. Franchement, Bailey, je suis désolé, hein, autant à NXT j'étais fan, c'est pas mon flop de l'année dernière pour rien. Enfin, elle est juste, enfin je sais pas, son booking est naze, elle a l'air pas à l'aise. Ok, elle a son gimmick un peu de girl next door, mais il y a un moment il va falloir se révéler. Championne matérielle, quoi. Là, elle subit tout, quoi. Elle gagne ses matchs avec des interventions. Là, elle gagne, mais c'est dans un Fatal 4-Way où elle a pas sorti. On n'a pas vu grand chose d'elle. C'est pas elle qui a été chercher la victoire. C'est les autres qui ont fait le boulot pour elle. Elle a fait son. Enfin, même le finish était naze, quoi. Ce turnbuckle où ils ont arraché le truc à moitié. Le temps qu'on. Enfin, moi, j'ai dû. C'est en regardant une deuxième fois que je me suis dit, ah oui, effectivement, ils avaient arraché un des coussinets du turnbuckle. Donc, effectivement, Charlotte se l'est mangé dans la tronche. Donc, ok, elle était plus sonnée. Donc, ouais, une petite descente du coude à la Macho Man. Ok, ça passe. Mais sur le coup, tu piges pas et t'as un moment de flottement énorme, quoi. Ouais. Donc, mais il y a deux tombées sur trois qui ont été, enfin, les tombées sur Charlotte et sur Sacha qui ont été un peu gâchées parce qu'ils ont voulu à fond jouer sur ce turnbuckle et malheureusement, tout le finish repose là-dessus sur les deux tombées. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Moi, je veux pas leur jeter les pierres pour ce qui s'avère être plus une anecdote. Enfin, c'est pas de chance. Elles ont été desservies par le matériel. C'est pas très. On peut. C'est sur le live, c'est vrai qu'on a été tous un peu surpris parce qu'on comprenait pas trop, mais bon, voilà, c'était un peu loupé. Par contre, moi, je suis d'accord, j'ai pas trouvé ce match exceptionnel. Pas forcément parce qu'il manquait du temps. Je pense que 12 minutes, elles auraient pu faire quelque chose de bien, mais parce qu'il y avait pas d'histoire en fait. Enfin, ils ont pas du tout joué sur tout ce qu'ils ont raconté en amont, à savoir. La rivalité Sasha Banks, la rivalité, il n'y a pas de rivalité, mais voilà, cette animosité grandissante. Voilà, il y a eu un petit moment, un petit éclair de Charlotte qui leur a dit battez-vous, mais à part ça, c'est. Ouais, tout ce qu'il y a ça, eu. Ça, c'était. Limite, ça a mis plus l'emphase sur Charlotte, le côté stratège de Charlotte. De toute manière, la star du match, c'était Charlotte. Enfin, elle a eu pour moi, je trouve, elle a eu la plus belle entrée, elle a eu les plus beaux spots, elle a fait un corkscrew moonsault absolument exceptionnel. Magnifique. Encore à l'extérieur du ring. Où elle est au bord de retomber sur les pieds tellement elle est athlétique, c'est juste incroyable. Donc c'était assez fou et ouais, aucun teasing. Le finish en effet aurait beaucoup plus mieux fonctionné, je pense, en face versus face. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Et ouais, c'est vrai, Bailey qui subit un peu pendant tout le match et qui se réveille au dernier moment pour être là au bon endroit au bon moment, c'est peut-être pas forcément ce qu'on lui demande en tant que voilà, super ultra babyface. Peut-être qu'on aurait aimé peut-être la voir se faire plus dominer pendant le match parce qu'au final, Charlotte a beaucoup mis dans la tronche de Sasha Banks, mais j'ai pas souvenir. Enfin, Bayley était souvent KO un peu au bord du ring, mais pas souvent en train de se prendre la tannée. Donc, bon, j'ai pas trouvé le booking très efficace et c'est dommage parce que je pense qu'elles avaient un petit truc bien à faire, surtout qu'elles se sont débarrassées très vite de Nia Jax, ce qui était exactement ce qu'il fallait faire pour moi. Je pense, enfin, c'est pas parce que c'est ce que j'avais dit, mais enfin, c'est vraiment, je pense que c'était le ça la book à la fois forte et en même temps on s'en débarrasse pour passer quand même aux choses sérieuses, donc c'était très bien. Mais voilà, pour moi, il a manqué un peu de psychologie, un peu de enfin, ouais, juste une histoire dans le ring, quoi. C'est ça qui manquait vraiment, je pense. L'exécution, il n'y a rien à dire, c'était propre, hein, le match. Ah bah de leur talent de workrate, effectivement, il n'y a rien à critiquer, mais moi je suis carrément pour dire que le booking est mauvais et à côté de la plaque, parce que tu as le début du match, c'est Charlotte qui va attaquer de front Nia Jax. Oui. Donc du coup, c'est censé être la heel, mais S'attaquer elle la île. décide à l'attaquer, mais vraiment frontalement, quoi, sans l'aide des autres. Et comme tu dis, toi, tu t'as l'impression que comment dire, que c'est encore la star, c'est Charlotte. Alors que je pense que l'histoire qu'ils essayent de raconter, c'est justement la consécration de Bayley qui a réussi à prouver qu'elle était la vraie championne. Et je pense que là-dessus, ils sont plantés. Ah, ils ont Donc, raté leur coup, je pense. voilà. Et, bon, tu C'est rajoutes à ça dommage. l'histoire du turnbuckle, du coup, ça tombe un peu à côté, alors que le talent est là dans le ring. Le match n'était pas mauvais, mais bah, ils n'ont pas raconté ce qu'ils souhaitaient raconter. Et puis, comme Ah, ils ont ça occulté c'est. aussi toute la partie qui concerne la rivalité avec Sasha Banks, la trahison. Ils ont pas voulu en jouer, ouais. Ouais, voilà, donc du coup, je pense Puis. vraiment au niveau booking scénario, c'est un petit peu à côté de la plaque, quoi. Et Ouais. puis. Et puis non, mais puis Hank avait raison de dire que le train était un peu passé sur la. Enfin, le moment, il avait déjà eu lieu, quoi. Le sacre, il avait déjà eu lieu. Donc c'est. Oui. Soit il fallait faire quelque chose d'encore plus fort, hein, une victoire vraiment au bout de Exactement. l'effort, vraiment un truc, elle en chie, elle en chie. Mais là, en fait, elle en chie pas, c'est presque de l'opportunisme, sa Ouais. victoire. Et comme le grand moment, on l'a déjà eu, Elle qui justement a gagné en plus grâce à l'intervention à chaque fois de Sasha Banks. Là, c'était tombe l'occasion à à plat. WrestleMania de la faire gagner pas seule contre toutes, quoi. Ça Ouais, tombe un peu limite à à mettre un plat. peu plus dans l'ombre Charlotte, mais là on sent qu'ils veulent pas lâcher Charlotte, qu'ils veulent continuer à Ah, la c'est garder difficile. dans C'est ce la lineage. star. Mais voilà, il faut capitaliser un petit peu sur les autres, sinon on s'en sortira pas. Voilà, pour un petit constat en demi-teinte un peu pour ce match qui était quand même bon, fort agréable à regarder, hein, on va pas Oui. dire. Alors, ensuite, on en est au championnat tag team. Alors, c'est l'occasion de vous rappeler que New Day, c'était les hosts de la soirée. Ils ont pas fait grand-chose, à part venir intervenir là juste au début du match, après que les trois équipes donc qui s'affrontent, donc c'est-à-dire Anderson et Gallows, les champions actuels, la Team Soft, Enzo et Big Cass, et les derniers de la liste, Cesaro, donc Sheamus et Cesaro, dans un match triple frite avec des échelles. Donc le New Day arrive et il nous informe que bah, ce ne sera pas un triple threat ce soir, ça va être un Fatal 4-Way. Ils sont dans leur costume de catch, donc on pense qu'ils vont y aller et qu'ils sont auto-bookés, hein, tel un Roman Reigns des familles. Mais non, c'est bien la musique des Hardy, la Team Extreme, qui retentit, les Hardy Boys, Jeff, Matt. Qui débarquent et qui vont carrément remporter la victoire, puisque ça se termine sur Jeff Hardy qui explose deux adversaires. Je crois que c'est Sheamus Césaro. et Cesaro, les deux, d'accord, qui sont Surtout allongés sur Césaro d'ailleurs. voilà sur des ils sont allongés sur des échelles entre le ring et la barricade, et donc un Swanton Bomb monstrueux de Jeff Hardy depuis une échelle géante là, pendant que Matt va décrocher les ceintures de son côté. Donc un match de l'échelle de seulement 11 minutes 05. qui consacre donc le retour des Hardy, qui ont quand même fait deux matchs de l'échelle en 24 heures, hein, les Hardy, hein, ouais. Parce qu'ils ont été faire un match de l'échelle aussi du côté de la Ring of Honor. Donc ils étaient arrivés, ils n'étaient pas très frais, mais grosse pop au niveau du public, hein, qui était complètement en feu quand Jeff et Matt sont arrivés. Moi, j'ai explosé de mon côté aussi. Alors, Hank, dis-nous, qu'est-ce que ça t'a fait, ce retour des Hardy? C'était super. Alors je vais passer direct dès le début. Juste mon seul bémol, c'est que j'avais espéré qu'ils prennent en entier le gimmick de Matt Hardy dès son arrivée et que du coup. Mais en fait, il l'a quand même. En fait, il l'a quand même passé par différents trucs. Genre quand il est arrivé déjà, je sais plus quel mot il utilise, mais c'est genre il a sorti un truc au public qui était dans sa gimmick. Et puis quand il est arrivé dans le ring, il a fait le delete. Alors tout le monde était en délire en regardant tout le monde. Et oui, et du coup, en fait, ce match, je l'ai regardé. J'ai le souvenir que c'était vachement bien. Mais en fait, j'ai l'impression que le choc du fait que les Hardy étaient là, genre pendant tout le match, j'étais genre... je pense que ça a joué, oui. En fait, j'avais du mal à suivre l'action. En fait, je voyais des mecs tomber à droite, à gauche, etc. Et je disais, ah, ils sont là. mais ouais, non, mais c'était génial. Et même si le match a pas, enfin, je pensais que ça serait, je sais pas. En fait, de base, je pensais pas forcément que ce serait un match qui durerait longtemps, mais du coup, vu que les Hardy sont arrivés, j'ai imaginé un truc super épique et finalement, ça n'a pas duré si longtemps que ça. Mais ils ont casé déjà des trucs qui étaient habitués. Tout eu, hein. Donc voilà, de la question, tout le monde s'est fait mal rapidement et simplement. C'était excellent. Et forcément, qui gagne, parce que franchement, s'il les ramène pour pas les faire gagner, c'est n'importe quoi. La bronca qu'il y aurait eu si ça avait été. C'est pas les deux de les boys. Hein. Je sais pas ouais. Qui. Et le pire, c'est que j'ai tweeté avant qu'ils arrivent, j'ai tweeté en prenant un screen de Cesaro. Qui était magnifique, hein. Leur entrée chez Zaro où il fait ah oui, super, pareil, super. Oui. J'ai pris un film, j'ai fait qui pouvez-vous imaginer d'autre comme gagnant? Ah, tu les as invoqués, hein. Ouais. Tu les as invoqués. Ouais, bah si, il y avait que ça, quoi. Mais donc voilà, ouais, non mais excellent, excellent. C'est pas un match qui restera non plus dans. Enfin, c'est un match qui restera dans l'histoire pour le retour. Oui, voilà, c'est ça. Je veux dire, au niveau du match pur. C'était pas le plus grand match de l'échelle, mais match de l'échelle du monde. Mais voilà, c'était super fun et on est tous super contents. Voilà. Super content, toi, Giscan? Écoute, ouais, je suis super content. Enfin, ouais, c'est sûr que j'ai popé surtout pour Jeff Hardy, parce que moi, je suis pas très fan de Matt Hardy, mais bon, enfin, c'était quand même exceptionnel. On s'y attendait sans s'y attendre. C'est toujours la même chose avec les surprises à Mania, c'est que bon, bah, on en a tous déjà parlé 10 fois, oui, ils ont signé, ils n'ont pas signé, on ne sait pas. Le teasing du New Day était vraiment excellent quand tu les vois arriver en tenue de catch. Et puis, bah, la musique de Jeff qui retentit. Hein. D'ailleurs, il n'y a pas de secret, hein. Ils ont choisi la musique de Jeff Hardy old school, hein, parce que c'est d'ailleurs, elle déchire cette musique, je trouve. C'est vraiment un thème d'entrée de ouf. Et du coup, en fait, j'ai un peu la même. C'est ta nouvelle, c'est ta sonnerie du réveil en fait maintenant, c'est ça? Ça pourrait, ouais, ça donne la pêche, moi, je trouve ça sympa. Ouais. Non, mais j'ai un peu la même analyse ou en tout cas la même vision du match avec le recul que Hank sur là-dessus, c'est qu'en fait, je me souviens avoir passé un moment de ouf, genre c'était top, mais je saurais pas te dire exactement. Pourquoi? Est-ce que c'était un bon match? Est-ce qu'il y avait... Ouais, il y a le spot de dingue et tout. Mais j'ai un vague souvenir de sorte de cafarnaum, de brouhaha, de cafarnaum au milieu des échelles, des spots, des twists of fate, des trucs, des big boots de casse, des trucs. Enfin voilà, c'est ouais, une sorte de magma. De magma un peu, ouais, d'ailleurs Big Cass qui a bien montré qu'il savait faire des big boots, ça c'était bien. je pourrais absolument pas te refaire la chronologie du match, mais je sais que c'était la folie parce qu'il y avait les Hardy, c'était dingue, ils sont revenus, c'est trop cool, ils ont gagné. Si je me souviens d'Enzo qui a poussé l'échelle avec, je crois qu'il y avait les Hardy dessus. Oui, probablement. C'était court mais intense. Cesaro qui a failli se péter la cheville à un moment donné, là. Il est tombé, il s'est emmêlé la cheville dans la. J'ai eu peur qu'il se blesse. T'as eu peur aussi, toi, IRM? J'ai eu peur, alors, mais moi, alors, c'est très marrant parce que moi, je ne l'ai pas du tout vécu comme Hank et Jiska. Alors, après, moi, les Hardys, je les connais, Sans enfin, les connaître, sans les quoi. De connaître, vue, pas enfin. personnellement de vue. Non, mais Ils ont fait dîner à la maison la semaine dernière. bah oui, mais je ne peux pas en parler. Il y a histoire Oh, ils de. viennent plus, tu sais, Non, mais depuis le taux histoire sur la de. Il y a gosse. des histoires, c'est un peu en justice, c'est un peu au tribunal, tout ça, tu sais, avec les Hardys, il y a beaucoup de choses qui sont encore au tribunal en ce moment. Mais moi, ça m'a pas du tout empêché de me plonger dans le match et de le suivre, en fait, au contraire, parce que moi, je les ai Alors, vus à... il était comment ce match? Mais il était super, mais il était génial, mais enfin les big boots dont tu as parlé, enfin c'était assez énorme. T'as eu le Cesaro swing en synchro avec le Ah espèce mais oui, c'est de vrai tambour ça, celtique magnifique là ça. avec Ah mais oui, c'était Sheamus. trop bien ça, putain, Faut que je j'avais revoie oublié ce match. ça. Ouais, je pense qu'il faut que je le revoie aussi. Ouais. Il... Vraiment, Non il y a mais eu, enfin c'était en 12 impeccable en tout minutes, cas. c'était intense, c'était Non c'est généreux, ils vrai, sont ouais, c'est éclatés. vrai. T'as eu l'impression que le fait que les Hardys viennent, tout le monde s'est lâché. Et c'est éclaté à nouveau. Alors en plus, avec les échelles, tu t'amuses hein, quand t'es un catcheur avec des échelles. Tu te fais mal évidemment, mais tu t'amuses. Mais vraiment, ça a déridé tout le monde, toi. C'est la redivision Euro Tag Team est tellement morne et triste. Là, t'as l'impression que c'était tellement festif. Mais les Hardys, on les a pas vus tant que ça pendant le match. Ce que j'ai trouvé était bien. Ils ont volé déjà suffisamment le match, rien que de par leur présence et leur arrivée, leur annonce, et ils ont volé les ceintures. Mais pendant le match, la place était laissée quand même aux autres, notamment à Sheamus et Cesaro, et à Big Cass, qui ont vraiment déroulé un super boulot. Donc moi, je regarde un super souvenir de ce match, et je suis content que justement les Hardys, la venue des Hardys n'ait pas justement trop occulté, et qu'ils n'aient pas volé le match en entier, toi. Ouais, que c'est pas été un hardy show de A à Z, ça Exactement, c'est clair. exactement. Moi j'ai passé vraiment un super moment, c'est vraiment un très bon souvenir ce Fatal Bon, très 4-Way. bien, tu lui as rendu justice à ce match, alors c'est bien. C'est ça. Ouais, les C'est hardis qui vont sauver la division tag team. les Bon. deuxièmes à avoir volé les pronos à tout le monde aussi. Ouais, bah Après oui. Mojo, c'est les deuxièmes à avoir foutu zéro à tout le monde. Ouais, je pense, Faut lui ouais. mettre autre, dans la cacher la cocher la petite case autre Ah, on aurait pu le tenter. Things dans les are gonna pronos. be broken, hein. Ils l'ont quand même dit, hein, les commentateurs. Hein. Donc on en Ouais, parle hein, de y a cette je de ce gimmick. je Hein. pense que d'ici la fin de l'année, on va s'orienter vers ça. On va signer un chèque là et puis on va les avoir Ils vont faire les comme droits. avec le club, ils vont Et ils Et pour peuvent l'instant, aussi le club cette année, boulette. Le club c'est les boulette. avocats qui gèrent pour l'instant, si j'ai bien compris. Ouais, oui, bah c'est chaud hein, quand même à ce niveau de l'histoire. Ouais, mais bon, la TNA, hop, tu rachètes la boîte et puis c'est réglé. Hein, Oui, voilà, c'est encore une pas, fois, on parle plus. Hein. pas non plus une En plus, ils force doivent de l'Europe. coûter quoi? L'embêtant Ça avec va la vous coûter si 10 tu balles, rachètes. non? Ouais, c'est ça. L'embêtant avec la TNA, c'est que si tu rachètes la boîte, tu rachètes les dettes aussi. Hein. Donc. On savait faire la WWE. Avec un gros chèque, ça va se régler. Jeff Hardy, quand même, un des plus grosses superstars. C'était à deux doigts de devenir le nouveau John Cena à l'époque. Ouais, Hein. Il y ouais, a beaucoup de gens qui sont ralliés au catch en regardant Jeff Hardy. C'est une très très bonne nouvelle qui Ah, arrive Ringside qui au ressort une club. statue dans son jardin, là. C'est bien, la statue de Ah oui, c'est Jeff. beau. Moi, je constate seulement, hein, je ne suis pas un fan absolu, mais c'est le genre de superstar dont on a besoin pour booster un petit peu Moi, le j'ai star power. adoré qu'il a vraiment préparé son spot dans son coin tranquille, justement, pour après faire le saut sur. Mais vraiment, il en avait plus rien à foutre. Pendant que ce temps-là, t'avais Matt qui allait chercher les ceintures. C'était juste. What the fuck, ce moment-là, quoi. Surtout qu'on voyait qu'il galérait hein, parce qu'il a fait 2-3 sauts et quand il s'est relevé, il avait les genoux qui avaient du mal à suivre. Mais Ouais, je mais pense qu'ils peuvent le refaçonner et puis en refaire la j'ai grosse entendu équipe. Meltzer dans un des podcasts de, je sais plus comment ça s'appelle la radio, leur Y a des MLW ou gens un truc qui comme ça. l'écoutent encore celui-là? Bien, Non, mais Meltzer. il avait croisé les Hardy le jour même, je crois, ou un truc comme ça. Et Ils sont un peu du omniscients, ces hardis, quand même, hein, parce qu'ils étaient chez Ouais. moi, ils étaient chez MMM. Elzer, c'est quoi ce Non bordel? mais et donc en fait je crois qu'il avait croisé Matt et il disait ça va et tout et il disait oh putain on a enfin j'ai mal partout et tout Jeff aussi là on va se reposer genre 3 heures à l'hôtel et je crois qu'il lui a demandé genre vous faites quoi après? Il fait oh je sais pas on sort ou un truc comme ça Oula, dormir. et voilà et je crois qu'ils avaient même un booking en fait le soir même ou la veille ou le lendemain. Enfin bref, ils avaient genre le faux booking dans je sais plus quelle fédération. Ah oui, ils avaient même une date de prévu. Ils avaient tout Ouais. booké. Il y a tout qui se passe. Et en même temps, c'est les week-ends WrestleMania. Toutes les fédés sont au même endroit. Donc les mecs, ils pouvaient brouiller les cartes tellement facilement. Ils sont forts, ils sont forts. Mm-hmm. Mais ils ont bien fait de ne pas revenir tout de suite avec le truc broken. Parce que je pense qu'il y a une partie du public qui n'aurait pas compris. Hein. Il y a quand même beaucoup de monde qui est encore sur l'ancienne version. Mais, la version mais bon, on va bien s'amuser. On va bien s'amuser avec les Hardy, je pense. Voilà, donc voilà, des WrestleMania moments du week-end, hein, ce retour des Hardy et ce match de l'échelle qui était court mais intense. Et mais on va parler d'un moment encore plus grand maintenant, je pense. C'est ça. D'ailleurs, je vais être très succinct. John Cena et Nikki Bella qui affrontent Le Miz et Maryse, qui terrassent Le Miz et Maryse, même si Le Miz se défend bien hein, tout le long des 9 minutes 40 de ce match. Victoire de John Cena et donc Nikki Bella avec l'attitude adjustment et puis son torture rack modifié là. C'est le rack attack 2.0, c'est ça. Rack attack 2.0, voilà. Et s'ensuit en mode startup. Voilà, mais un peu de respect pour cette demande en mariage de John Cena qui sort la bague, il met son genou à terre, il raconte une belle histoire, extrait de Total Diva. Pour demander en mariage la belle Nikki sous les yeux, c'est horrible l'histoire, c'était horrible. Tu te souviens, t'étais dans le coma, t'étais capable de dire oui à tout, et du coup, je t'ai demandé, tu m'as dit oui, bah je te le redemande. Ouais, voilà. Bah, laissons Giscan nous raconter tout ça, dire ce que vous en pensez. Bon, j'ai rien de plus à raconter. C'était fantastique. Il faut regarder. Hein. C'était un WrestleMania moment. C'est tout. Voilà. C'était pas du beau. Tout. Pas du tout téléphoné. Ben non, pas du tout téléphoné. Si. C'est-à-dire qu'on ne parlait que de ça depuis le début de la feute sur Internet. Mais je pense que ça a quand même surpris beaucoup de monde, hein, parce qu'il faut tout le monde. Ne suis pas non plus le podcast de Meltzer ou je sais pas quoi qui est-ce qui a leaké ce truc là, donc quoi qu'il arrive je pense que c'était quand même une très belle surprise dans le stade. C'est pas le podcast de Meltzer, c'est l'intrigue principale de la saison 2 de Total machin là. Oui non mais le fait qu'il allait faire sa demande en mariage à Mania, franchement c'est à un moment sur le live on s'était demandé parce que c'est vrai que bon la foule s'est beaucoup amusée à être, parce que ça fait partie du jeu, était à fond pour le Miz, ce qui était de bonne guerre, c'était plutôt amusant à regarder. Et c'est vrai qu'on s'était demandé si, est-ce que finalement le plan c'est vraiment ça, ou est-ce qu'ils vont faire quelque chose en coulisses, et puis ils repasseront peut-être la bande le lendemain, ou dans leur émission à Total Bella, ou je sais pas quoi, ça aurait été quelque chose de possible. Finalement ils l'ont fait dans le ring. Écoute, moi j'ai trouvé que c'était super sympa. C'est un WrestleMania moment. C'était émouvant. Ça reste une demande en mariage, donc je trouvais que c'était sympa. Et puis c'est des choses qui ne se jouent pas. Enfin, je pense que vraiment ils étaient heureux. Donc moi ça m'a fait plaisir pour eux. Et puis le match par contre, moi je trouve que on aurait pu gratter 5 minutes sur ce match pour les mettre ailleurs. Parce que finalement c'était les 4-5 dernières minutes qui étaient vraiment fun. Parce que là, en fait, le Miz nous a fait une redite de c'était Elimination Chamber où il a dominé comme un porc pendant tout le match et il s'est pris un attitude adjustment et c'était fini. Donc c'était un peu, il nous a fait ça spécial. Je sais pas si c'est un nouveau gimmick, le Miz de dominer pour se faire coucher en un move. Quand il affronte Cena. Tu me domines et puis après je prends l'attitude adjustment. Ils nous ont refait le coup. Donc du coup, c'est vrai que vu que tout l'intérêt c'était quand même l'angle derrière et puis les moves à deux, je pense qu'ils auraient pu faire un match de 5 minutes un peu plus condensé avec un peu plus de fun à 4 que de faire une longue. Il y a eu 5 minutes où vraiment on avait l'impression d'être à SmackDown où c'était la longue période de domination du heel, patati patata, super classique. On s'en foutait un peu, on n'était pas là pour ça. Donc c'est le seul grief que j'ai sur ce match. Sinon, bah, après, moi j'étais absolument ravi. C'est grief quand même. Hank ? Bon, ça fait son job ouais. Ce match. C'était même moi, ce qui m'a rendu le match vraiment amusant, bah, c'est le Miz. Hein. Le Miz qui vient voir le public en face, derrière, à droite, à gauche. Il allait récolter de la pop partout. Hein. Il avait raison. Il était beau avec son grand sourire et sa mèche comme ça, à faire « Hey !» Et on se serait cru au cirque presque. Mais bon... Il n'y a rien à retenir au niveau catch hein, de ce match. Mais Maryse qui finalement n'a pas catché, ça c'est dommage. J'aurais bien aimé le voir. Nikki Bella est blessée aussi, en fait. Donc, Ah, d'accord. C'est bon. Donc, du coup, voilà. Ah bon. Nikki Bella est blessée, en fait. C'est mal passé, ah ouais. En fait. Comment dire, son opération, là, finalement, elle se remet pas si bien de ça. Donc, d'accord. Elle va peut-être d'accord. aussi aller vers la retraite, elle. Mais du coup, voilà, elle était protégée. Okay. Puis, ils ont préféré pas la faire voilà. catcher. Quoi. L'important, c'est qu'elle se marie avant. C'est ça. Et oui. À moitié de la fortune. Oh, bon, se sépare. Oui, voilà. Et puis le petit speech de Cena, bon, c'était sympathique. C'est mieux. Enfin, je veux dire, c'était plus appréciable que s'il avait juste fait sa demande juste comme ça. Ça aurait rien voulu dire. Là, le speech était sympa. Donc voilà. Okay. Ça, c'est, franchement, c'était pas. C'était un moment sympa, il faut des moments sympas, on va pas demander des super matchs, ça fatigue les très bons matchs de 4. Donc, une petite pause voilà. dans le work rate. Non mais c'est important petite... d'avoir des matchs de moins de 10 minutes comme ça pour faire souffler un peu aussi la public. Guilhem, ouais, bah moi j'étais quand même un peu déçu, enfin j'étais content de ce qu'ils nous ont offert, j'ai beaucoup aimé effectivement ce que le Miz nous a proposé. Mais malgré tout, ce qu'on imaginait quand même avant ça, c'était un match où ils allaient un peu se taquiner, qu'il allait être un peu plus équilibré, où bah, bon, visiblement des raisons médicales ont fait que, voilà, que les filles allaient aussi s'en mettre un peu sur la tronche, parce qu'elles se sont envoyées pas mal dans la rivalité, que ça allait un petit peu être voilà, cabotiné, que ça allait. Qu'il y aurait vraiment des choses qui auraient fait écho à la rivalité, alors que là, pas du tout, à part si c'était que voilà, le Miz a. Enfin, à rouler sur John Cena pendant la soirée, quelqu'un a dit, quelqu'un a fait croire à John Cena que c'était Brock Lesnar en face. Et du coup, il fallait surtout qu'il se laisse faire, quoi. Donc voilà. Après, c'était tellement, comme disait Hank, ça faisait tellement plaisir de, enfin, c'était communicatif en fait, le plaisir que prenait le Miz à aller récolter cette pop auprès de tout le monde. Il y avait une communion avec le public qui était assez dingue. Du coup, bon, on fait OK. Bon, il nous propose autre chose, soit. Et ouais, ça m'a fait marrer comme cette histoire de demande en mariage où il explique que, en fait, il lui a déjà demandé. C'est pas la vraie demande là, toi. Il lui a déjà demandé, et je pense qu'effectivement, c'est ce qui s'est passé. Je pense que sa vraie demande en mariage, il l'a déjà faite depuis des semaines, si ah bah, ce n'est même oui, des mois. Oui, oui. Et là, en gros, il lui demande. Donc là, si tu veux bien, on va la refaire devant les caméras et pour que c'est à la télé, tu comprends. Donc et du coup, en fait, mais ils aiment bien les Américains. Non, mais c'était très drôle parce que ça donnait entièrement à raison à tout ce que disait le Miz, toi, ou c'est John Cena. La mise en scène jusqu'au bout. Bon, voilà, toi. C'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, dans cette rivalité, c'est depuis le début, personne n'a raison, personne n'a tort. Ou ils ont tous raison, ils ont tous tort. Et voilà, les chemins vont se séparer. Et voilà. Mais ouais, c'était un bon moment à passer. Oui, John Cena a battu effectivement. Nikki au 100 mètres, comme l'a dit Hank sur le Twitter. j'ai filmé l'arrivée de Cena et en fait Cena dépasse Nikki. Juste après l'entrée de Nikki, il arrive et puis il la dépasse quoi, parce qu'il est en train de courir. Et il rentre dans le ring et tu sais, il fait son petit saut genre. Célèbre. Ouais, ouais. Du coup, je fais quel heel ce John Cena. Il a jeté les épaules. Mais voilà, les deux sont entrés séparément, contrairement à Miz et Maryse, hein, ça. Oui. Ouais. C'est parce que Maryse, elle a pas d'entrée, on s'en fout. Ouais, toi, ringside, ouais, bah, l'amour plus fort que tout. Les plus jolis, oui, c'est ça. Ouais, un peu déçu, moi, de la réaction du public qui a pas popé énormément, je trouve, au moment de la demande en mariage. Ah, au moins, ils ont pas hué ou dit John ouais, Cena. Ouais, voilà. Il paraît qu'il y a eu des changes, je sais plus si c'était no. Enfin, il y a eu des changes négatifs. Bah, peut-être qu'ils ont un peu baissé, que c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a rien. On les a pas entendus. Ça, par contre, il faut être vraiment très con, quoi. Oui. Ouais. Non, mais dans l'ensemble, je trouve que justement le public a bien joué le jeu. C'était ça qui était drôle, c'est que ils savent. Enfin, c'est là où tu vois quand même, ils savent faire la part des choses. Pendant tout le match, ils ont trashé John Cena parce que ça fait partie du folklore, c'est rigolo. Mais après le match, tout le monde a vite compris ce qui allait se passer. Et si, il y avait plutôt une bonne réaction. Évidemment, ils n'ont pas hurlé pour le oui, mais c'était sympa. Il y a plus de réactions positives quand même dans les stades de baseball que tu as les demandes en mariage filmées dans le public. Quoi. C'est quand même très américain comme truc. Ça. Exactement. Il a quand même fait tout le match avec sa bague dans la poche. C'est pas mal. Hey, ça, c'est beau, ça. Ouais, mais à mon avis, il l'avait mis autour d'un écrin spécial. Autour d'un. Ah, d'accord. Enfin, bref. Allez, on va enchaîner. Avant alors, que ça dérape. Donc, la suite des hostilités, c'est cette rivalité qui nous a tenu en haleine pendant quasiment un an. Une décennie. Voilà, une décennie. Seth Rollins, le futur de la WWE, affronte Triple H, le patron de la WWE quasiment. Donc voilà, c'est l'heure de régler ses comptes. Le créateur va détruire sa création. 25 minutes 30 de combat à l'ancienne, bien violent, entre Triple H et un Seth Rollins diminué. Stephanie McMahon accompagne son King of Kings de Marie au ring sur une de ses fameuses Land Spider, là, les Harley Davidson pour personnes âgées. Âgées mais riches. À Jimmy Rich, voilà. Donc bizarrement, bizarrement entouré de policiers. Hein. C'est vrai. C'est un rebelle, mais il est entouré de policiers. Mais il faut le surveiller. Il est trop violent, en fait. C'est pour ça. C'est la famille du gouvernement, hein, donc effectivement, faut être surveillé. Donc elle l'accompagne, mais bien mal lui en prend, car elle va coûter le match à son mari. En effet, debout sur le bord du ring après une tentative de diversion, elle est percutée par Triple H et elle traverse une table. Effondré et furieux, Triple H se fait surprendre par Rollins qui le plante avec un pedigree, son propre finisher à Triple H, retourné contre lui. Et c'est la victoire de Seth Rollins. 25 minutes 30 d'un match intense, violent, il y a du maillet, il y a tout ce qu'on veut. Hein, voilà, Hank, je te vois applaudir. Bah, dis-nous tout, t'as adoré ce match. C'est. Tu vois, mon avis change tout le temps. Tout à l'heure, je disais les deux matchs sont au même niveau. Non, non, c'est le match de la soirée. C'est le match de la soirée pour moi. C'était tout ce que je voulais. C'était tout ce que je voulais. Rollins, j'avais dit dans le podcast, je veux que Rollins arrive et il n'a pas de béquille, il est à 100%. Il est arrivé, il était à 100%. Par contre, il s'est fait re-blesser, re-re-blesser, genre blessé genre 4 fois dans le match. Oui. Mais voilà, il a... Alors, on pourrait reprocher le fait que... c'est pareil, j'ai entendu aussi dans d'autres podcasts, on reproche peut-être le fait que à chaque fois, il scellait à fond la blessure, et puis au bout d'un moment... Oui, mais au bout d'un moment, il sort un truc qui est genre improbable pour un mec qui est blessé. Donc, bon, il y a ça. Moi, j'en ai rien à faire, franchement. À ce ouais, moment-là. Franchement, c'est compliqué, sinon tu catches pas. Hein. C'était génial. Triple H était vicieux à mort. Le spot où Rollins cherche des trucs sous le ring et à un moment il balance un sledgehammer et il le voit même pas. Fait, oh tiens, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est une massue, je la balance par d'ailleurs, là. D'ailleurs, Triple H il lâche sa prise. Triple H lâche sa prise. J'ai tweeté genre bad news. Et finalement, ils l'ont même pas utilisé. Enfin, c'est Stéphanie finalement qui l'a retiré des mains de Rollins. J'ai pas le nom des pirouettes multiples que Rollins a fait, mais voilà, le combat des pédigrés était magnifique. La séquence de ah là là, ouais, tous les comptes. 1 minute 30 où ils essayent genre 4 fois ou 5 fois chacun de se faire un pédigré. Ça, c'était la petite histoire dans l'histoire, c'était très bien ça. Ouais. Et c'était stiff, c'était il y avait la tension. J'adore ce match, bordel. C'est faire des convulsions. Hank, montre-nous tes mains à la caméra là, s'il te plaît, juste pour être sûr. Ok, c'est bon. Non, mais j'ai rien de plus. J'ai rien détaillé. À dire. J'ai rien de plus détaillé à dire. Voilà, c'était fantastique. Merci Triple H, parce que Triple H était en condition, mais. Oh là là, quel homme! Quel un homme. Dieu, hein, une statue grecque. Hein. Et Stéphanie, alors? Impressionnant. Une statue grecque aussi. Quelle femme! Et le bump de Stéphanie. Et merci à Stéphanie pour ce bump magnifique dans la table. Elle s'est donnée de sa personne. Elle avait pris un spear de Roman Reigns déjà. Hein. Ce passage était magique. La fin était magique. Vraiment. Le Triple H qui fait. Et là, il se retourne. Ah, et puis tu vois la furie, la colère qui commence à monter. Et un truc qu'on n'a pas vu à la caméra, et pareil, je l'ai entendu en fait, c'est que Rollins, il n'a pas été filmé, mais au moment où Triple H est étonné comme ça et il est à deux doigts de se retourner, Rollins en fait lui fait le. Socket. Ah, le socket. Ah ouais, socket. Il lui fait le socket. Ils l'ont pas filmé, oh les cons. Oh là là. Ah, c'est dommage. C'est comme ne pas filmer l'entrée des J-Styles au Rumble. Donc Ils voilà. sont focalisés C'est sur des la erreurs tête de de Triple débutants. H. Magique, magique, magique. Il Ah aurait bah fallu essayer ça d'attraper fait. les deux en même temps. Ouais. Ah oui, là oui, ça c'est Ah une oui, erreur là, de effectivement. Bah, tu réalisation. vois pas, alors là, ça aurait été encore plus parfait. Bah écoute, Hank, franchement, moi je suis ravi pour toi de t'entendre parce que quand on suit Catch Up Raw et cette rivalité, vous aviez C'est l'air tellement compliqué. dépité, ça a l'air tellement Ouais. compliqué que là, ça C'est un fait an et demi de plaisir. souffrance là. C'est un an, ouais, un an de souffrance qui. Voilà, et là ça sort, ça fait du bien, c'est communicatif là, vraiment. Ça fait de t'entendre en parler, en fait, ça m'a aidé un petit peu à revaloriser ce match, même s'il était vraiment super. Vraiment, j'ai bien aimé vraiment le côté Seth Rollins qui était en train de revivre son cauchemar, en fait. Effectivement, il arrive à 100% et il se reblesse de la même façon que bah, face à Kane au show. Et ça, c'était fort, quoi, parce que quand c'est tombé, enfin. Ouais, même le genou avait vraiment l'air de s'être retordu, quoi. Et tu fais, ah, c'est pas possible. Et ça, j'ai beaucoup aimé. Et ouais, il y avait plein de petites histoires, vraiment. L'intensité, la psychologie était au top. Donc, ouais, chapeau, vraiment un match qui sauve une écriture merdique, parce que beaucoup trop longue, quoi. Et ça fait plaisir. Et, bon, le fait que Hank soit content, moi, je suis content. Voilà, ça nous suffit. Ça suffit C'est ça. à mon bonheur. Alright. Fiscal, des choses à ajouter? Non, j'ai trouvé le match extra aussi. J'étais très content. Enfin, c'était top, c'était exactement ce qu'il fallait. Ça, c'est un match pour conclure une histoire. Il y avait tout ce qui manquait, par exemple, dans le Jericho Owens. Pour moi, il y avait la psychologie, il y avait la violence, il y avait le vice, il y avait les éléments, enfin, le booking pendant le match, la construction du match était excellente. Donc, je trouvais vraiment le match très bon et je voudrais juste donner, enfin, tirer un coup de chapeau quand même à Seth Rollins, parce que c'est exceptionnel quand même ce qu'il a fait, je pense, parce que techniquement, c'est impossible que son genou soit à 100%. Il a forcément catché, enfin, avec une douleur ou en tout cas avec une gêne ou quoi que ce soit, et d'avoir le professionnalisme et les couilles de tenter les spots qu'il a tentés, parce enfin, il faut quand même en avoir dans le calbut et avoir la tête solide pour refaire exactement, stricto sensu, les moves qui t'ont blessé et qui t'ont mis quand même, qui ont failli te priver de WrestleMania et qui t'ont blessé pendant des mois et des mois, d'avoir les couilles de les refaire devant autant de personnes dans un match comme ça avec l'intensité et tout. C'était bah ça de toute façon c'est ça qui a rendu aussi ce match extra, c'est que il y avait tout, quoi. Donc bravo à Seth Rollins. Ouais, voilà, un bien beau match pour conclure cette rivalité là qui nous a fait languir des mois et des mois. Voilà, du bon boulot. Moi, j'espère juste que Rollins il va pas continuer à utiliser le pedigree parce que je trouve que c'est un move qui lui va pas. S'il veut devenir babyface, il faut qu'il. Y en a qui auraient préféré qu'il utilise le curb stomp. Ouais, bah ouais, Non, parce que purée. là, Et il était vraiment. Phoenix Non, World of Clash. justement. Non, mais là, l'histoire était Super. super, où ils se contraient les uns les autres. C'était bien. Et il était Ouais, ça malade. fonctionne pour ce match comme ça. Mais après, s'ils veulent en faire, il faut qu'ils en fassent le top babyface de Rollins. Donc si. Peut-être qu'il se trouve un autre move maintenant, ouais. C'est Juste par ça. rapport à ce que je disais, Giscal, il était malade quelques jours avant Et en aussi. plus, ah oui, j'ai Oui. oublié ça. Et en Une petite plus. Non, Carabiné. non, Ouais, mais. c'est Une petite ça. diarrhée. Non, c'est pour ça, c'est exceptionnel. Allez, on va enchaîner sur quelque chose de bien moins exceptionnel. Le championnat WWE Heavyweight. Aïe, aïe. Alors, il change de nom toutes les Ça, semaines. c'est nous, ça, Giscal. C'est pas bon, c'est Ouais, SmackDown, là. c'est pas Vous bon. allez C'est pas répondre bon. de vos actes, messieurs. Randy Orton. C'est pas bon pour nous, ça. La meilleure Après. rivalité, je cite Giscal, la meilleure rivalité de Avec un l'année, je crois. package vidéo là, qui nous faisait Oh, bon, on l'a eu le saliver. package, hein, ça. Ouais, c'était bien Ouais. jusque-là. Hein. Randy Orton donc contre Bray Wyatt, pardon, Ouais, aïe, aïe, aïe, aïe. le père Bryant, donc qui se termine sur un prévisible RKO out of nowhere au bout de 10 minutes 30 d'un match parsemé d'effets spéciaux dégoûtants. Alors je vais Dégoûtant. parler en premier pour une fois. Oui, s'il te plaît. Alors bon, le match est déjà, il n'y a rien de spécial par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre pour un match à WrestleMania. Voilà, ça c'est dit. Orton, évidemment. Moi, je mets toute la faute sur Orton en fait, hein, parce que il n'a rien fait de plus que ce qu'il a fait des années durant. On lui offre quand même un putain de spot à Mania. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait un match mou et il enterre Bray Wyatt. Il y a 2 ans, il a enterré, il s'est pas couché face à Seth Rollins. Là, les semaines qui sont passées, il s'est pas couché contre Baron Corbin, il s'est pas couché contre AJ Styles. C'est un mec, depuis le début de sa carrière, on lui offre tout sur un plateau et il fait toujours des trucs mous. On sent qu'il aime pas le public et il en fera jamais plus ce qu'il a fait. Non, il t'aime pas toi, c'est tout, hein. On critique John Cena et tout sur, mais John Cena, quand c'est le moment des grands shows, il est là, il répond, il fait un spectacle de fou. Orton, ça fait des années qu'il a pas ajouté un move à son set de move et il enterre toujours les jeunes. Il a enterré Cody Rhodes, il a enterré Ted DiBiase Jr. J'en passe et des voilà. Voilà, bah, ça se ressent encore là. On lui a offert le Rumble, on lui offre le championnat. Ça va être un champion merdique. Et le match était nul à chier. Et puis c'est dommage pour Bray Wyatt. Et voilà, je suis très déçu de ce match de merde. Voilà, la parole à, je sais pas, Franck. Mon vieux compas. Oh, bah, j'ai pas grand chose à rajouter, à part que. Alors moi, bizarrement, les effets spéciaux, ça m'a fait marrer. Ça m'a moins déprimé que ça m'a fait marrer. Mais le truc, c'est que ça m'a fait marrer. Et avec du recul, je me suis dit, ça a rajouté encore plus au côté mou et chiant et juste même pas digne de SmackDown, limite, quoi. De ce match qui était... j'ai même pas, en fait, généralement quand je m'ennuie dans un match de catch, j'arrive pas à m'en souvenir, enfin et donc du coup je me souviens de très peu de choses dans ce match, à part que c'était lent, que le RKO qu'a sorti Orton était juste à un moment random, enfin j'ai pas trouvé que c'était ça montait, qu'il y avait une progression. Non, pas du tout. Non. Finalement, c'était limite, vraiment, il genre... a fait attention là, maintenant je vais placer le RKO. Genre, c'est bon, c'est bon, ça fait 8 minutes. J'ai rien prévu d'autre. Tu vois, c'est ça. Hein. Au troisième top. 9... Ça fait 9 minutes 30 qu'on fait le match. J'ai pas envie de me blesser. Ça me fait chier. Vas-y, viens là, RKO. C'était nul à chier. Hein. C'était nul à chier. Même... C'est même pas une question. C'est même pas une question de Randy Orton qui gagne. Hein. Non, juste une question que c'était le moins, c'était vraiment le moins bon match de la carte principale, c'était le pire match. Donc voilà, et c'est triste parce que c'est pour une des deux ceintures principales. Et c'est la ceinture historique, encore pire quoi. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils font avec Orton. Moi déjà cette rivalité, j'ai déjà dit que c'était parti en couille, je comprenais plus rien ces derniers temps. Et il va falloir faire perdre la ceinture à Orton. À mon avis, il va la garder pendant au moins un mois. Un mois. Ça va, c'est pas la mort. C'est super. Mais vous allez voir les matchs d'Orton pendant un mois. Ouais. Non, moi je m'inquiète pas pour ça. Même. Non, mais c'est pénible. Il arrive encore à faire de bons matchs, mais alors bizarrement, jamais au bon moment, quoi. Non, mais à un moment donné, faut muscler ton jeu. Il muscle jamais son jeu, Orton. Il fait, où est le Didier Deschamps de Randy Orton? Muscle ton jeu. Voilà. Non, mais ils ont complètement supprimé Luke Harper de la vidéo, hein, de package en début de. Mais oui, mais Luke Harper, hein. Il était dans le Battle Royale. Luke Harper, il est aussi enterré. Ouais. Et voilà. Mais. La messe est dite. La rouge de Randy Orton. C'est difficile de pas dire enterré quand on le fout dans une battle royale n'importe nawak, quoi. Bon bah dans ce cas-là, ils ont enterré 32 gars, quoi. Oui, Braun Strowman, il est enterré alors ou pas? Oui, non, mais quand on dit enterré, c'est par rapport à la position qu'il avait il y a genre 3 semaines, 1 mois, quoi. Ah bah, ouais, mais c'était un. Braun Strowman, c'est pire. Il était à deux doigts d'être. Personnage secondaire malgré tout, hein. C'est un personnage secondaire dans la rivalité, c'était pas non plus là. Orton maintenant il est là pour mettre over normalement les autres, et qu'est-ce qu'il fait? Il gagne le Rumble et il gagne le championnat à Mania dans des matchs mous et des finishes de merde. Non, non, c'est ah, disons que le problème c'est que c'était quand même un payoff rachitique et c'est ça, rapport à quand même la une, c'est vraiment, enfin pour peu effectivement qu'on qu'on ait kiffé, même sans avoir, sans, même si tu mets de côté la fin très mystique et un peu what the fuck de la storyline, c'est quand même une des meilleures storylines de ces dernières années en termes d'écriture, le temps qu'ils ont pris à mettre en place, ouais, et on lui offre la meilleure storyline de la exactement. De l'année. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas de payoff. Alors effectivement, le gagnant est le bon, parce qu'effectivement, par rapport à l'histoire, il fallait qu'il gagne, mais voilà, au détriment de Bray Wyatt, certes, parce qu'il a encore eu un règne très anecdotique, mais une fois de plus, la ceinture, comme un autre match qu'on va citer un peu plus tard, n'était pas forcément au centre de l'histoire. Les ceintures sont plus très souvent au centre des histoires aujourd'hui. Mais le payoff était naze, effectivement, et c'est vrai que ça fait mal. Il se relève du Sister Abigail, ce qui était redevenu quand même une prise assez létale. Ça fait un petit peu mal. Alors certes, elle était une fois de plus pas portée superbement, mais bon, ça c'est vrai qu'il a tout été un peu déconstruit par rapport au personnage de Bray Wyatt à ce niveau-là. En tout cas, par rapport à son impact, la psychologie, c'est ça qui a vraiment aussi manqué une fois de plus. La psychologie, alors c'est sûr, dans un match de 10 minutes, c'est pas facile, mais la psychologie, c'est quand même ce qui était au centre de cette rivalité, les mind games, etc. On avait en rivalité deux mecs assez psychopathes, spécialistes pour entrer dans le cerveau. Alors là, c'était les choses physiques qui entrait en jeu, mais dans ce cas-là, pourquoi nous foutre effectivement ces projections d'Astico qui sont censées être, qui ont été finalement la seule guerre psychologique qu'il y a eu, c'est une projection d'Astico sur un ring que Randy Orton lui-même n'a certainement pas vu, qui nous était destiné à nous. Il n'avait pas l'air de l'avoir en tout cas. Ça l'a pas du tout impacté, donc. Voilà, on s'est retrouvé avec juste deux mecs qui sont mis sur la tronche. Et effectivement, à la fin, c'est Randy Orton qui gagne. Donc, non, la grosse déception de ce show. Ouais, mais ouais, malheureusement, enfin, c'est pas que c'est même pas surprenant, c'était pas ça. L'intérêt de cette rivalité, elle est dans tout sauf ce match. Ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est un bon film avec une mauvaise fin. Ouais, ils ont gâché, exactement, voilà, c'est ça. Ils ont gâché une super histoire avec un très mauvais match. Mais en fait, il n'y avait pas de psychologie parce qu'il y a un connard qui a cru que c'était une bonne idée, cette histoire des spots d'Astico, et ils ont tout. Non, mais ils ont tout misé là-dessus. Mais oui. Ils ont tout misé là-dessus. Et c'est raté. Bon, ils ont tenté un truc et ils se sont chiés dessus parce que c'était complètement foireux. Ça ne fonctionnait, ça n'a pas du tout fonctionné. Et ce qui fait qu'ils ont pensé qu'en faisant ça, ils allaient pouvoir se dédouaner complètement de construire un match un peu cohérent et de faire quelque chose. Et c'est raté, c'est pour ça. Moi, bon, après, je te laisse ringside si tu n'aimes pas Randy Orton. Tu n'aimes pas Randy Orton, c'est comme ça. Hein, moi, je pense que là où ils ont fait une erreur de calcul, surtout, ils auraient tout à fait été capables de faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais voilà, ils ont fait un match de flemmard avec une tentative technique ratée. Randy Orton est juste venu chercher son chèque. Voilà. Et c'est dommage, c'est dommage. Voilà. Mais après, moi, je pense que c'est le bon vainqueur et il nous fera mentir j'espère qu'il va reprendre là où il s'est arrêté avec AJ Styles, parce qu'ils nous ont montré quand même de très belles choses. Et je pense que on va bien se marrer. Mais je n'ai pas du tout le sentiment qu'il soit. Bray Wyatt soit enterré, mais ils ont raté une belle occasion de faire beaucoup mieux avec lui, ça c'est sûr. Oui, ça va être chaud quand même de se remettre d'un truc comme ça. Hein, t'inquiète pas, tu seras oublié mardi. C'est pas compliqué. quand il a gagné l'Elimination Chamber, il était au sommet. On disait la même chose après Undertaker, son match avec Undertaker, et puis deux ans plus tard, il était over. Quoi, donc, ça, je m'inquiète pas trop là-dessus. Mais bon, c'est dommage parce que c'est des occasions comme ça qui font que tu pourrais encore plus. Il va pouvoir rester dans la carte, mais c'est pas comme ça que tu construis une nouvelle superstar parce qu'ils sont quand même toujours. On manque d'une nouvelle. Non, mais ils ont raté une belle occasion, je suis d'accord. Tu vas avoir un mec, ça va devenir la même chose qu'un Ziggler, quoi, Bray Wyatt. Un gros nom, mais pas un mec que les gens vont acheter des pay-per-view ou s'abonner pour le voir, quoi. J'allais dire un peu pareil, parce que c'est un peu le même phénomène. C'est-à-dire que on dit oui, mais la prochaine fois qu'il va devenir champion, tout le monde va être heureux, etc. Mm. Ouais, mais c'est la même chose avec Ziggler. C'est-à-dire que à chaque fois il a la ceinture, on est super content. Bon, Ziggler, l'autre problème, c'est que quand il a la ceinture, il est chiant aussi. Les mecs sont pas faits pour avoir des ceintures, peut-être. Le souci pour moi, c'est que Wyatt, Wyatt, il a toujours pas ce règne de confirmation que les gens attendent, ce règne passionnant où il aurait plusieurs rivalités, où il pourrait donner encore plus de profondeur à son personnage, etc. Il a pas cette opportunité là. Et quand Randy Orton revient, ouais, moi j'ai du mal à comprendre comment on privilégie Randy Orton à Bray Wyatt en 2017. Non, mais ils auraient pu. Enfin, après, c'est cette histoire, c'est juste ce match-là en fait. Hein, c'est juste ce match-là qui gâche le truc, parce que avec le même gagnant, tu pouvais continuer tu pouvais en profiter également pour redonner beaucoup de, conserver l'aura qu'avait récupéré Bray Wyatt. Franchement, s'il perdait, c'était pas grave. Oui. Hein. Si Bray Wyatt, au lieu de jouer avec ses vers de terre sur l'écran, là, au lieu de faire des... C'est la faute d'Orton qui a fait un match non, mou mais où il n'y a rien qui s'est passé, c'est tout. Non. Si au lieu de faire ça, Bray Wyatt est un énorme destructeur... Il joue son jeu de trucs. Non, mais... Ah ouais, mais si Orton, il veut pas se laisser faire pour et pas... Pour moi, ça marche pas quand même. Enfin, pour moi, ça marche pas quand même si tu fais gagner Orton, parce que Wyatt, c'est en permanence toute son histoire. Wyatt, ça a toujours été... Je suis une menace, enfin, je suis une énorme menace, je peux éliminer n'importe qui, je suis Dieu, machin, etc. Et à chaque fois, au moment où on l'attend le plus, à chaque fois, il perd. Ah oui. Et là, c'était le moment, tu vois, c'était le WrestleMania. Et c'est le moment où tu montres à tout le monde. Non, mais tu te trompes parce que c'est pas qui c'est qui gagne, c'est Orton. Parce que c'est pas l'histoire qui était racontée. Oui, les gentils gagnent à la fin, c'est normal. Non, mais je comprends l'histoire. Oui, mais. Bah, justement. Les gentils gagnent à la fin, mais Randy Orton n'est pas là pour rester. Orton a failli, c'est gentil. Mais il est pas là pour rester. Et puis il brûle des cadavres aussi, n'oublions pas. Ne l'oublions pas. Des cadavres d'enfants, évidemment. Mais. C'est pas l'histoire qui était racontée. Bah, pour moi, c'est pas face. Franchement, je l'ai déjà dit et je le répète, cette histoire, c'est pas du tout face contre heel. Hein. C'est juste pas du tout ça. Randy Orton, mais expliquez-moi comment il est face dans cette histoire. Randy Orton, son personnage, c'est l'archétype du babyface qui fonctionne pas, l'espèce de tweener sur lesquels ils essayent de se baser depuis des années, qui donne des trucs à chaque fois qui termine un petit peu en autre boudin comme ça, où c'est pas franc du collier, tu sais pas vers quel côté tu dois pencher, donc forcément, voilà, tu termines sur des matchs comme ça en demi-teinte et où personne sort gagnant en fait. Que moi je considère heel en fait, vous ou du moins une partie du public considère badass. c'est ça le souci. Peut-être. Pour moi, c'est pas, enfin, il y a beaucoup de choses dans cette rivalité. Non, mais de, ça, c'est un des points faibles de la BV. Qui sonne comme un méchant. Quoi. Donc voilà. C'est dommage. Mais après, j'avais pas un attachement. Enfin, forcément, moi, je suis Monday Night Raw, donc j'avais pas un énorme attachement à la ceinture. Mais ça me fait chier pour Wyatt parce que j'ai tellement envie de le voir enfin avoir un vrai règne important et. Et je pense pas que cette storyline était si incroyable que ça va vraiment agrandi son aura. Alors, attention, Hank, il y a un feu qui est en train de se déclencher derrière toi là. Je me demande si Randy Orton n'est pas passé. Moi, je trouve qu'on est quand même très. Bah, je pense qu'on a suffisamment digressé sur les jeux. On va enchaîner. Il est temps de passer au gros morceau. Gardez en tête qu'il n'a que 29 ans. Ah, malheureusement, il y a un petit morceau avant hein, ringside. Il y a un petit morceau avant. Ah non. Oui, il y a plusieurs morceaux encore avant. Voilà, on est loin d'arriver au bout. Hein. Mais là, on a quand même un gros morceau puisque c'est Goldberg contre Brock Lesnar pour le championnat de l'univers. C'est des beaux morceaux, ça, quand même. Hein. Voilà, des gros. Voilà, on parlait pièces de Babyface contre Babyface contre Heel. Là, on a le match, l'archétype parfait à l'ancienne. C'est du vite fait bien fait. 4 minutes 45, hein, donc même pas 5 minutes de match. Combat de titan. Goldberg survit à un enchaînement de German Suplex F5, mais Lesnar survit lui à un enchaînement de Spear et de Jackhammer, dont un Spear à travers la barrière d'insécurité. Lesnar enchaîne les German Suplex, il esquive un Spear et Goldberg se mange le poteau. F5 pour la victoire et couronnement de Brock Lesnar comme nouveau champion de l'univers. Il esquive un Spear en sautant. Un saut de cabri. C'était... Exceptionnel. Et la danseuse étoile. Incroyable. C'est bon. Incroyable. Non, mais tu te rends pas compte, je pense. Incroyable. On a eu un match de catch. Incroyable. Voilà, allez. C'était plus un match de taureau, mais voilà. Oui, c'est une belle image, c'est ça. Giscal, vas-y, dis-nous tout. C'était ouf. Enfin, franchement, c'était ouf. Moi, c'est pour moi, ça fait partie de. Enfin, c'est dans mes trois matchs préférés de la soirée, c'est sûr. Avec Styles, McMahon et Seth Rollins contre Triple H. Non, c'était. Enfin, j'étais très curieux avant ce match. Je ne savais pas du tout ce qu'ils allaient pouvoir faire, en fait. Comment est-ce qu'ils allaient s'en sortir de cette histoire? Est-ce que ça allait être un squash? Est-ce que ça allait. Est-ce que ça. Ils allaient tenter un truc complètement inédit, que ça allait tomber à l'eau? Enfin, je sais pas. C'était un tel guépier, ce truc. Et. Bah, enfin, moi, j'étais scotché du début à la fin. C'était 4 minutes. C'était 4 minutes de ouf. C'est aussi ça le catch. Enfin, Goldberg a fait 4 spears, un jackhammer. Lesnar a fait 10 German suplex, un F5, c'est tout. Le bilan Voilà. comptable, c'est ça. Mais Il y avait trois n'empêche prises. que, ouais, mais n'empêche que toujours est-il, du début de la cloche jusqu'à la fin, j'étais absolument scotché à l'écran. C'était d'une intensité de ouf. Le spot, alors je suis le spot de Lesnar qui saute par-dessus est exceptionnel. D'athlétisme, enfin non mais c'est incroyable. Je pense qu'on se rend pas compte. Le mec fait, il fait quasiment 2 mètres et 130 kilos. Et il a sauté au dernier moment sur un mec au-dessus d'un mec à pleine vitesse comme ça. C'était juste dingue. Enfin bref, ils ont mission accomplie. Ils ont réussi à enflammer le public et à faire 5 minutes vraiment de dingue. Un vrai match de WrestleMania quoi, mieux que leur purge d'il y a 10 ans, il y a 15 ans. Donc tout est pardonné. Voilà, c'est. Enfin pour moi, je trouve que vraiment c'est largement, très largement au-delà des attentes que je pouvais avoir et c'était un sacré moment. Irem. Bah écoute, rien à rajouter, effectivement, je comprends pourquoi j'avais les yeux tout rouges à la fin, c'est tout simplement parce que j'ai pas cligné des yeux pendant 4 minutes, et pendant 4 minutes, pour un match de catch, ça paraît court, mais ne pas cligner des yeux pendant 4 minutes, c'est long. C'est tout ce que j'ai à dire. Hank, t'as eu mal aux yeux aussi? J'étais très content que finalement après c'était un peu cette soirée c'était un peu l'histoire de toutes les rivalités qui m'ont déplu et qui ont fini en beauté. Donc voilà là non mais c'était fantastique parce que parce qu'il y avait la durée que je demandais depuis le début. J'étais genre, faites un match de 2 minutes ou 3 minutes. Ouais, mais c'est justement parce que t'as pas eu la durée que tu voulais avant que t'es encore plus content. Ouais. Ah bah si. Je sais pas si. Je pense qu'ils auraient pu faire ça mieux, mais bref. Et donc. Enfin, je parle pas de ce match-là. Hein, je parle de avant, en fait. Le build. Ah, Et donc. impossible. Moi, le spot. Alors, bon, le saut de Lesnar était genre, what? Non mais Qu'est-ce qui j'en se passe? revenais pas quoi, j'étais là. On est dans une autre dimension. Et l'autre truc qui m'a impressionné, et c'est là que je ravale un petit peu mes paroles sur Papy Goldberg, le spear dans la barricade sur les Oh, nards. ah, j'ai Oh marqué là, comme un mon fou moi. Dieu! Oh là là Et puis on n'a là pas eu là. de nouvelles de Jojo depuis. Hein. Non, Jojo est décédé dans les gravats. Ils ont tué un dessin de Jojo. non mais c'était génial, et puis c'était direct. C'est tout, pas de bullshit. Il y avait de et il y avait ouais il y avait je crois donc du coup deux prises par catcher, voilà, C'est ça. pas plus. Et puis voilà la bonne fin hein, parce que faites pas Kenny Goldberg sinon on est dans la merde. Donc voilà, nickel, c'était nickel ce match. Bah, c'est là qu'on voit pourquoi c'est des grandes stars comme ça, hein. Ça Goldberg suffit, et quoi. Lesnar, même à 50 ans, bah, ils arrivent à te sortir un truc qui met le feu à la foule en utilisant 3-4 moves, quoi, pas plus. Voilà, bah, ça c'était fait, on était ravis. On va enchaîner avec l'autre championnat féminin. Donc, on est sur Ah, un c'est encore match nous, qui ça, merde. compte. Oh putain, merde. Franchement, se les péter pendant Hey. 6 mois, pendant tous les weeklies, et là, c'est on prend cher. Alors, un six-pack challenge, ça s'appelle. Il y avait Naomi qui affrontait Alexa Bliss, la championne en titre. Natalia, Becky Lynch était là aussi. Il y avait Mickie James et déguisée en poulet. Et Carmella qui est venue avec James Hey, Ellsworth, c'est une pardon. référence à ses origines indiennes. Amérindienne. Ouais, j'ai cru Amérindienne. comprendre. Hommage à tous ces peuples massacrés. Voilà, Et les par contre, dreadlocks, c'était quoi Becky là? Lynch, c'était une référence à Horizon Zero Dawn. Ah ouais? Oh, putain, c'était moche. Ah, une Baptou, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte? Ouais. Et 5 minutes 35, donc pas beaucoup plus long que le match Goldberg. Ouais, bah là, j'ai cligné des yeux. Là. Ouais. Donc, bah, c'est Naomi, hein, l'enfant du pays, qui récupère son titre de championne. au bout de, donc, de 5 minutes 35, enfant du soleil. Elle fait abandonner sa rivale, Alexa Bliss, avec une prise de finition dont je ne connais pas le nom. Ah bah, personne. Personne d'ailleurs. C'était bon. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit interlude? C'était nul, franchement. Bon, on tient à s'excuser au nom de SmackDown. Voilà, On vous a vendu du rêve. C'est les... Apparemment, c'est les fans qui ont imposé. Tout sévère. Non, hein. Non, on savait. Non, mais de toute façon, on savait que, savait que ce serait pas bon parce que, enfin voilà, c'était le match un peu. Ils ont tout mis ensemble et puis bah voilà. Et puis en plus, elles ont le death spot comme ils disent là-bas. Hein. Enfin, c'est le pire spot de la carte. C'est ouais, mais je tranquille. C'est juste avant le main event. Tout le monde est parti. La moitié du public est parti pisser. Donc c'est. Enfin, tu sais que c'est pas du tout. Enfin voilà, elles partaient très mal. Moi je trouve, enfin c'était vraiment, en fait c'était pas bon parce que il y avait rien, c'était un bordel dans le ring. Elle passait, elle venait, elle faisait des prises. Il y avait aucune, je trouve qu'il y avait pas, il y avait pas de folie quoi. Il y avait pas d'enchaînement de prises de dingue. Il y avait rien. Le finish est nul. Enfin genre le finish est nul. Je suis désolé. Je suis rarement catégorique sur des trucs comme ça, mais enfin c'est naze, ça tombe à plat. On l'a jamais vu cette prise. En plus, elle a l'air pourrie cette prise. On sait même pas pourquoi elle tape. Prise de soumission. En fait, c'est une prise de soumission qu'elle a jamais faite. Ouais. Mais c'est certainement pas le moment de tenter une prise comme ça quand on a un match rapide. Ce match, il a pas 36 objectifs. Il faut qu'il soit simple. Il faut qu'il ait du punch et il faut que Naomi gagne et que tout le monde soit content. Donc quand c'est comme ça, on lui fait faire son spot classique, elle fait son shooting star, Starship Pain là qu'elle a piqué à Jim Morrison, avec lequel elle avait gagné sa ceinture. Oui, John Morrison, avec lequel elle a gagné sa ceinture. Tout le monde connaît, tout le monde est content. Le tombé, tout le monde le voit venir. Là, une soumission, on comprend pas. Alexa, elle tape en 2 secondes. Du coup, le public sait pas quoi faire. Ah bah oui, elle a gagné. C'était très mauvais, très mal exécuté. Je suis pas content. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas content. Bien. Pas content. Autre chose à ajouter? Non. On va enchaîner. Une belle purge. Moi, j'ai pas donné mon avis. Mon avis, non, je pense pas. Non, mais moi, j'ai pas trouvé ça si horrible que ça. Je suis d'accord avec toi. Moi, j'étais content de voir de la cuisse un petit peu. ces gros malaises là qui transpiraient. Non, mais c'est ça de militer sur Twitter pour avoir filles en main event et puis voilà. Il y a 1000 personnes. Elles ont payé ça. Il y a 2 personnes, c'était assez évident, qui ont fait leur boulot, je trouve, dans le match. C'était Becky avec ses Exploding Suplex. Hein, elle en a fait 3. Ouais. Il y avait celle sur Ellsworth, ce qui était drôle. Et oui, aussi, ouais, ça c'était marrant. Et Becky Lynch, avec sa Bliss. Qui était bien furieuse. J'ai bien aimé. Après, le reste, bon, ouais, ils n'ont un peu rien fait. Bon, c'était la fin prévisible. Moi, j'avais mis des naze, franchement. C'était sûr que ce serait Naomi. Mais même Naomi, quand elle soulève sa ceinture, elle tire la tronche à la fin. Il n'y a pas d'émotion. Parce qu'on a l'impression qu'à limite, on a l'impression qu'elle sait qu'elle est passée à côté de son truc et tout. Enfin, c'était vraiment... J'étais déçu. Ils auraient dû garder ça en pré-show. Là, elles ont eu 5 minutes. En pré-show, elles auraient eu 10 ou 15 minutes. Oui, mais non, mais ça marche pas. Cool en pré-show. Non, mais ça marche pas en pré-show parce que tu fais pas une célébration comme ça en pré-show quoi. Bah, c'est pour un match féminin. Ils étaient coincés à cause de l'entrée de Naomi, il fallait qu'il fasse noir, de toute façon, c'était sûr. On en revient au problème oui, des tag teams. Enfin, pas des tag teams, qu'est-ce que je dis? On en revient au problème de SmackDown en général dont je parlais, je sais plus si c'était dans le dernier des Night Raw, Podcast Raw ou. Vous parlez de SmackDown, évidemment. Ça m'étonne on pas. On a vite fait parler de SmackDown parce que je disais, il y en a marre qu'ils fassent des six-packs et des Rumble, je sais pas quoi, et des Gauntlet match. Ils savent pas quoi faire avec les gens. Ils savent pas se décider. Pour les tag teams, ils savent pas décider qui est le roi des tag teams, enfin, quelle équipe domine les tag teams. Et ils savent pas qui domine les femmes. Donc c'est si vous voulez avoir l'analyse de SmackDown, écoutez Catch Up Pro avec Hank. Voilà. On a compris. Une analyse de SmackDown de 5 minutes. Bon, allez. le plus beau, le plus on va fou. Arriver à la, au main event. Donc Roman Reigns face au, au Deadman, au Undertaker. Donc 23 minutes tout rond pour ce main event. Donc Roman Reigns face au légendaire Undertaker. Le Big Dog détruit le Deadman, un grand coup de Superman Punch, de Spear. Non sans lui avoir fait manger une table de commentateur et avoir survécu aussi à un chokeslam sur une chaise et à un tombstone. Indestructible Roman Reigns. Donc voilà, hein, après une dizaine de spears, l'Undertaker n'arrive pas à se relever. Le tombé de 3. Mais surtout, après le match, l'Undertaker enlèvera ses gants, pliera consciencieusement son par-dessus, posera son galurin au sol. Il quitte le ring, il embrasse sa femme, il remonte la rampe vers la gorilla position, il lève le poing et plonge une dernière fois la reine dans le noir. C'est l'heure de la retraite pour l'Undertaker. Et rien que d'en parler, j'en ai des frissons. Qu'est-ce que qui veut commencer pour là-dessus? Lève la main. Je suis trop ému, je peux pas. Moi, ouais, je peux commencer. Je suis pas très ému, ouais, moi. Je suis totalement insensible à ce cœur, genre. Non, non, ça a commencé pas mal ce match quand même. Moi, j'ai trouvé les premières minutes. On se dit qu'on va peut-être avoir un spectacle pas trop douloureux. Il y avait des beaux échanges entre les deux. Et puis, bah, 5 minutes plus tard, hein, patatrac, hein, la forme, enfin voilà, le physique, la réalité, le parpaing de la réalité s'est abattu lourdement sur l'Undertaker, au point qu'il arrivait même pas. Puis il est plus d'abdos, au point à faire des botches assez gênants. Hein, ce botch où j'imagine Reigns devait tenter de porter un tombstone ou. Ouais. Hein, voilà, ouais, tombstone renversé, quoi, la façon Batista Undertaker. Hein. Voilà, donc ça, bah, ils l'ont carrément pas fait du tout, quoi. Et là, c'était vraiment. Ça devenait très, très gênant. Alors, moi, j'ai juste une chose. Au-delà de toute l'émotion qu'il y avait derrière et dans laquelle j'étais quand même assez bien pris, hein, j'exagérais évidemment. En fait, en y repensant et en écoutant les réactions des gens qui étaient avec moi, là, pour, qui assistaient au match, eh ben, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de points communs entre ce que disaient, ce que pensaient les spectateurs et ce qu'avait l'air d'éprouver de représenter Roman Reigns, qui finalement a fait le sale boulot que tout le monde voulait, que tout le monde désirait, les spectateurs. Enfin, on était là, on dit, mais stop, qu'on arrête, quoi. Stop, Undertaker, c'est le match de trop, t'en peux plus. Enfin, faut aller abattre ce vieux cheval qui est tenté de se relever pour la troisième année de trop. Et bah, le sale boulot, on l'a donné à Roman Reigns. Et du coup, je suis assez, voilà, mitigé. Enfin, c'est une lecture que j'ai de ce match qui le rend... intéressant parce que justement par rapport au fait d'avoir choisi Roman Reigns pour affronter, c'était en fait c'était vraiment le sale boulot, quoi, d'avoir ce match là contre le Deadman. Très certainement qu'un autre catcheur aurait pu en tirer un peu mieux, un peu plus, tu vois, que ce soit John Cena ça, ou je sais pas. Non mais je peut-être suis pas, franchement, pas je pense sûr pas. Que Cena il aurait fait un meilleur match que oui que non Roman mais c'est pour ça que je dis match, c'est pour ça que je dis vraiment un peu mieux, peut-être quelque chose d'un un peu mieux, mais ce boulot de détruire, on va dire, d'abattre une dernière fois définitivement l'Undertaker, ben. Comment dire, qui mieux que Roman Reigns, en fait, à l'heure actuelle, pour le faire? Ah, bah c'était le meilleur choix, je pense. Et l'histoire qui était racontée, c'était celle-ci, et finalement, elle était bien racontée, elle était même très bien exécutée. Ce botch-là, ce botch, en fait, il est parfait. Il dit tout, hein? Il dit tout. Et c'est l'histoire, ouais. Et l'histoire en fait est parfaite, elle est excellemment exécutée. C'est, enfin, je veux pas dire que c'est le meilleur match, mais c'était une, enfin, aussi, en mélangeant le kayfabe, les codes du catch, l'histoire du catch, la légende qu'on a en face de nous, le positionnement de Roman Reigns, ce qui était en train de se passer là avec les spectateurs, enfin, ce jeu qui joue entre les spectateurs et justement Roman Reigns qui est en train de faire le boulot, enfin, c'était assez magique, quoi. C'était assez captivant, mine de rien. Captivant, ça, exactement. Fait. Voilà. Donc, voilà ce que on est pensé. Je sais pas qui. Fiscal. Si, moi, oui. Non, mais c'est vrai qu'en fait, c'est un peu paradoxal, mais je suis presque. Enfin, on peut pas dire que je suis content que. Parce que c'était un mauvais match. Enfin, c'est d'un point de vue catch en tant que tel. C'est vrai que c'était un mauvais match. Il y avait des botches partout, c'était lent, c'était pénible. Parfois, par moment, c'était pénible à regarder. Et c'est vrai que ça se voyait sur le visage de Roman Reigns presque par moment. Et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est vrai. Donc, c'est un mauvais match. Et paradoxalement, genre, je ne sais pas si on comprendra ce que je veux dire ou si je vais être très clair, mais je trouve que presque je suis content que le Deadman soit, enfin, que l'Undertaker soit parti là-dessus. Alors, je ne suis pas content qu'il soit parti sur un mauvais match. Mais je suis content qu'il soit parti sur cette prestation. On en a discuté un peu sur le forum, mais je trouve que finalement, c'est la meilleure façon qu'il avait de partir, en fait. Le Deadman, c'est la personnification du mystique. Enfin, c'est celui qui est au-dessus des codes du catch. Il n'y a pas deux personnages comme lui. L'Undertaker, il est exceptionnel. Il y en aura probablement jamais d'autres comme lui. L'Undertaker, c'est le Deadman, comme ils disent, le Phenom. Il est immortel, il se relève toujours. Et finalement, bah là, en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu un mortel. Il s'est humanisé pendant le match. Il était pathétique, comme les humains. Il était mortel, il était ridicule. Et il est allé jusqu'à finalement se dévêtir complètement et enlever ce qui faisait de lui un surhomme, une sorte de mythe catchesque, pour repartir. En Mark Jusqu'à Galloway, même, quoi. ouais, jusqu'à même briser le kayfabe, ce qu'il a jamais fait en 30 ans en allant embrasser sa femme. Je me dis que je ne sais pas si, évidemment, ce serait stupide de dire ils ont fait un mauvais match exprès pour des trucs comme ça, mais on va dire que, mine de rien, il y avait une sorte de poésie, un peu de beauté derrière tout ça, de voir finalement ce mec qui ne peut plus catcher. Enfin, c'est fini. C'est plus l'Undertaker, il peut plus, et finalement de le voir partir comme ça, comme un homme, juste comme nous, quoi. Parce que on est tous un petit peu nés quand même dans le catch avec lui, quoi. Enfin, ça fait 30 ans qu'il est là, quoi. Enfin, moi quand j'ai commencé à regarder le catch, j'étais tout petit, c'était WrestleMania 7 ou 8, je crois. Il était déjà là, et je voyais, c'était incroyable. On est presque, et je pense que dans le public là, dans les 75 000 personnes, il y avait plein de gens qui sont nés vraiment dans le catch avec l'Undertaker et qui presque l'ont vu quand ils étaient jeunes. Et ça se trouve, là, hier soir, ils étaient avec leur gamin et ils étaient en train de lui montrer, voilà, putain, c'est l'Undertaker, attends, j'ai commencé le catch avec lui. Et finalement, je trouve, voilà, il y a une sorte de ce match restera dans l'histoire, dans la mémoire. Je pense pour le symbole, un peu cette poésie qui pourrait y avoir, cette tristesse derrière, qui moi me fait complètement oublier la catastrophe technique que ça a pu être. Donc j'ai trouvé enfin, vraiment j'ai trouvé ça captivant et saisissant comme départ, et très très émouvant, hein, vraiment. Pas mieux. Hank. Ouais, y a pas grand-chose d'autre à dire. Moi, je j'ai pas le même attachement parce que je me suis mis au catch très très tard. J'ai regardé du catch. Je connaissais l'Undertaker. J'ai regardé du catch quand j'étais, je sais plus. Bah, c'en est une belle preuve alors, je pense justement. au collège ou un truc comme ça. Donc du coup, je me souviens. Enfin, j'ai quelques figures quand même. Triple H, l'Undertaker et tout ça, je connaissais. Mais moi, j'ai pas trouvé. Ça fait partie de ces rares exceptions. Moi, généralement, je déteste les matchs lents. À part si c'est vraiment ultra bien raconté, etc. Et là, c'est pas forcément que c'était très. Enfin, c'était bien raconté, mais c'est pas forcément la narration en elle-même. C'est le contexte qui fait que ça fout de la colle entre les morceaux brisés du match, entre les moments où finalement on se demande. Est-ce qu'il est fatigué ou est-ce que c'est le match enfin est-ce que c'est le match qui doit se dérouler comme ça ou est-ce qu'il est vraiment mort? Et j'ai adoré le fait que le match était une déchéance quoi en fait. Le match a commencé, ils étaient vraiment dedans comme tu disais IRM. Ça a commencé finalement super vite quoi. Là tu te disais merde. Le Taker, il a pris sa dope pour son dernier match. Il a carburé au début pendant quoi 2 minutes, non peut-être un peu plus, genre 5 minutes, où il était vraiment dedans. Et après, c'était la longue déchéance et Reigns qui lui dit te relève pas, te relève pas. Et ça c'est un gimmick qui, enfin un gimmick, c'est un cliché du catch qui pour une fois avait du sens. De te relève pas, etc. Et j'ai adoré la fin du match où finalement c'était ouais vraiment comme genre abattre je sais pas moi un animal malade enfin tu disais un cheval une vieille licorne ouais, quoi. C'est vraiment la mise c'est à mort parce que ouais. il est à terre, il dit te relève pas, il se relève, il se prend un spear, après il dit te relève pas, il se reprend un deuxième spear ouais. et c'est et puis, vraiment alors, le troisième là Voilà, c'est le coup final. Il y a une dramaturgie qui est vraiment belle dans cette fin de match. Ouais, je donc suis voilà, d'accord. c'était pas un grand match de, je sais pas comment dire. C'était pas un grand match de catch au sens technique, mais c'était un grand match de narration de catch, pas volontairement ou non. Donc oui, c'était une belle fin de WrestleMania et je crois que à part peut-être, enfin moi j'ai vu que les 5 6 derniers et à part le cash-in de Rollins qui était magnifique, mais sinon j'avais pas vraiment vu de bonne fin de WrestleMania ces dernières années et c'était très beau le passage où il dépose ses gants, il dépose de façon méticuleuse. Ouais. C'est très, très genre je range, c'est comme s'il rangeait ses vêtements au vestiaire, quoi. Pour la dernière fois, ouais, c'est... Et il y a une photo qui a circulé sur Internet qui était assez folle, hein, comme on voyait les lumières, tout le stade était vidé, les gens, enfin les techniciens qui rangeaient finalement, enfin qui démontaient la scène. Et ne restait que le chapeau et le manteau du Taker au milieu du ring, qui était toujours dans le ring malgré que tous les techniciens s'affairaient pour personne tout ranger. Personne n'a osé y toucher. Jusqu'à ce que il y a une malédiction. Il y a une malédiction si tu le touches. Jusqu'à ce que ça prenne feu apparemment. Mais non, mais il y avait. Il est parti comme un très grand. Quoi. Et il y avait beaucoup de réminiscences avec quand il a mis à la retraite Shawn Michaels. Hein. C'est vrai que c'était quasiment la même scène finale quand le Taker s'agrippe au pantalon de Reigns et qu'il le regarde dans les yeux avec cet air de défi. Mais en même temps, on voit que la flamme dans les yeux n'est plus là. C'est exactement Shawn Michaels quand il essaye encore de se relever, encore. C'est la même chose. Il a eu cette humilité aussi, je pense, de partir comme ça. Ça n'a par exemple rien à voir avec le départ à la retraite de Ric Flair qui est beaucoup plus axé sur lui, enfin tu vois, genre c'était Ric Flair la star, alors que là il a finalement c'est aussi ça l'Undertaker, c'est qu'il est parti quand même en mettant en donnant une victoire à Roman Reigns, quoi, un jeune. Après bon bah le choix fera polémique, hein. C'est sûr que je pense que et tout je pense le monde, que l'émotion désolé de te couper, mais je pense que l'émotion fait que tout le monde imaginait qu'il y ait une hit de ouf sur Reigns, et j'ai pas l'impression finalement. J'ai pas l'impression non. qu'il y avait. Parce non. que Reigns. Il y avait est l'émotion parti, la mine qui se dégageait de. On a vu Reigns partir, et il avait vraiment la mine triste. Il a pas fait son. Je dis pas que. Comment. Les gens auraient été énervés si. Enfin, qu'il. Il aurait fait ouais, il a pas fêté la victoire, quoi. Non, ils auraient pu, hein. Ils auraient pu le faire huer. Il a même pas fêté d'habitude, genre en se ou plati ou plaboum. Tout ça, c'était sobre. Et du coup, finalement, en fait, c'est ça. Le résultat, c'est que finalement, c'est un send-off. C'est un chapitre, enfin, un livre qui se ferme. Et tout le monde sait que ça devait se passer, en fait. Tout le monde sait oui, que ça devait se passer. Je pense que c'est ça aussi qui fait. Oui. C'était le moment, et même limite, peut-être, et ça aurait dû être le moment plus tôt, mais bref, c'était le moment. Quand on voit la qualité ou non-qualité des matchs de Taker ces dernières années, à part celui contre Lesnar que j'ai bien aimé, mais sinon, il était sur la pente descendante. Un moment historique, cette fin de WrestleMania 33. Moi, c'est un pan de ma jeunesse qui disparaît. Moi, je l'ai vu débuter, l'Undertaker, donc c'est un peu un crève-cœur de le voir disparaître comme ça. Mais en tout cas, c'est une très très belle fin. Voilà, je ne pouvais pas guère imaginer mieux pour la disparition du Taker. C'est ça. Voilà, c'est son image, je pense. Ouais. Ça, voilà, un grand pan de la. un pan de la mythologie de la WWE là, qui se construit devant nous. Voilà, c'est pour ça qu'on garde du catch aussi pour des moments comme ça un peu bouleversants. Puis le match, moi j'ai vu des matchs bien plus dégueulasses que celui-là. Hein, donc, oui, après, il d'accord, faut pas. C'était pas top, mais non, moi j'étais pris dedans. Voilà, je ne me suis pas arraché les cheveux, j'ai passé un bon moment quand même. Voilà, puis ouais, des bots émouvants. Des bots émouvants, c'est ça. Un nouveau concept. Non, mais voilà, il pouvait plus, mais bon. Voilà, bah on arrive au bout de ce podcast et de ce WrestleMania qui durait des heures et des heures. Bon, je propose que je sais pas, vous voulez qu'on fasse le mot de la fin ou Oui. Bah pourquoi on ne ferait pas le mot de la fin Le mot de la fin, une note, un top, un flop, c'est parti. C'est qui commence? C'est Irem. Alors moi, du coup, mon flop, ça va être. C'est difficile parce que j'essaie un peu de deviner ce que vous allez balancer. Je veux dire Dean Ambrose, voilà, Dean Ambrose. Dean Ambrose. Allez, comme ça, ça s'est fait pour les raisons dont on a parlé. Et mon top, là, par contre, bah, ça, je me le prends, c'est le départ de Undertaker. C'est vraiment tout ce qu'on a dit. Enfin, c'est magnifique ce qui s'est passé. Et même moi, je m'en suis pas rendu compte sur le moment. C'est là, même là, en reparlant tous les quatre, je me rends compte de. C'était un tableau, quoi. Un tableau de 15 minutes qui s'est déroulé sous nos yeux. Et c'était un des plus grands chefs-d'œuvre, je pense, de l'histoire du catch auquel on a assisté et auquel on pourrait reparler peut-être un peu plus tard, enfin, encore dans quelques années. C'est gravé dans les grands livres du catch. Et c'était magnifique. Ils ont vraiment réussi à faire quelque chose de beau, de quelque chose qui était devenu très triste depuis 3 ans. Donc. Bravo là sur ça. Et ma note, c'est un 4. Un 4. Un 4. Un 4, boom. Voilà. 2 fois 2. Fiscal. Alors, moi, je vais donner. Bon, du coup, tu l'as dit, hein, parce que là, sinon, je l'aurais donné au Taker aussi, je pense. Bah, je vais donner mon top à Seth Rollins. Je vais dire bravo, Seth Rollins, d'avoir sorti un match de 25 minutes de cette qualité-là. Et avec les moves qu'il a tenté. Quand on sait de quoi eh ben, il revient, hein, parce qu'il y a des mecs pour qui des carrières se terminent sur les blessures qu'il a eues. Donc bravo Seth Rollins. Mon flop, je vais le donner. Je vais le donner à qui, mon flop? J'aime pas les flops à chaque fois. Je vais le donner au finish des filles de SmackDown et sa prise de soumission incompréhensible. Je pense, je suis presque sûr que. C'est impossible que ça fasse mal cette prise en plus, mais bon, c'est pas grave. C'est même... dire comme le STF quoi. Non, ça fait trop mal ça. Il l'a testé sur lui-même. Ouais. Et puis ma note, je vais comme souvent donner la même note que Yarem. Je vais donner 4 aussi, très très bon WrestleMania, bravo. Alright. Hank. Mon flop, je vais te le voler à mon avis ringside, je vais le foutre à Randy Orton. Oh, c'est pas possible. c'est pas sympa. Non mais j'aurais pu le mettre aussi au booker du André the Giant Memorial Battle. Mm. Oui, j'étais pas là. Mais donc oui, à chier. Et donc le top. Le top, vu que tu m'as, donc du coup, Giscard m'a volé mon Seth Rollins. Mon c'est fou. je vais le donner à Shane. Shane McMahon. Bravo Shane. C'était fantastique. C'était le moment le plus fun que j'ai eu de la soirée finalement, parce que Seth Rollins Triple H, c'était le moment le plus passionnant. Mais le moment le plus fun, genre juste le catch putain de fun, c'était Shane contre AJ Styles. Bravo les deux, c'était génial. Et ma note, alors moi je vais carrément, malgré les mauvais matchs, malgré les moyens, etc., mon impression globale de WrestleMania était tellement bonne, je vais lui mettre 4,5. Parce que juste à la fin de la soirée, je me suis dit, putain, c'était vraiment un putain de WrestleMania et c'est le meilleur que j'ai vu moi. Au global, c'était un très bon WrestleMania, c'est vrai. Voilà, faut vraiment le 4,5. Je suis pas en train de mettre 4,5. Voilà, je suis en train de 4,5 sur une impression globale. Voilà, je sais qu'il y a des matchs qui sont mauvais, il y a un ou deux matchs qui sont mauvais, etc. Mais... Ça fait plaisir de voir El Patron comme ça, dis donc. Ouais, franchement, ça me retourne. Ah Voilà, ouais, je suis un peu perdu. Qu'avez-vous fait d'El Patron? C'est parce qu'il sait pas encore le gage qu'on va leur donner, c'est pour C'est ça. ça. Et la fin était fantastique. C'est important de faire une très bonne fin aussi. Ouais. Non, mais Ah c'est bah ça, oui, ça c'est quand sûr. t'as une carte qui est aussi peu emballante et qu'au final on te sort un spectacle comme ça, où t'es Même surpris pas du parler de la début à mise la en scène. fin. On n'a même pas parlé de la mise en scène et tout ça. Hein, parce que la Ah mise en ouais, scène est le géniale. décor était C'est grandiose. vrai. Peut-être que Voilà. Ringside peut donner son top au décor, peut-être. On ne sait Je pas. peux donner mon top au décor. Ce sera. Alors, les feux d'artifice, là, encore une fois, là, quand Charlotte est arrivée avec les feux d'artifice derrière, la fin aussi, Roman Reigns avec son. Derrière aussi, les feux d'artifice, là, il y avait des contre-plongées sur sa face. Ça donne des images Cette assez rampe, mythiques, la là. rampe. La rampe, mon Dieu. Incroyable. Je pense aux enfants qui doivent découvrir ce truc-là. Voilà, ils ont Oh. des héros qui sont devant leurs yeux, comme ça. C'est, Moi, quand ça je doit repense à fonctionner du feu WrestleMania de Dieu. 7, quoi. Oh là là. C'est ça. Voilà, bon, le retour des Hardy, hein, moi je vais mettre aussi qui m'a bien fait popper. En flop, on m'a piqué mon Randy Orton. Il n'y a pas grand-chose qui m'a déplu. Ah, bah, je vais le donner à la victoire de Mojo Rawley, là. Enfin, surtout au quarteron final là, de loser là, qu'ils ont mis J'avoue, entre les mains de j'étais Sarah. pas là pour en parler, C'était, mais ouais, c'est j'ai vrai. l'impression qu'on venait de relancer la rubrique Jobber's World, tu Ouais, sais, carrément. ou qu'ils avaient écouté, C'était. qu'ils s'en sont inspirés pour construire la bataille royale. Si simple Memorial de. World. C'est si simple de donner la victoire à Sami Zayn, mais non. On tente un truc avec Mojo Rawley, puis son comparse là. Et moi, je vais être comme Hank, je vais mettre 4,5. C'est la note de la Team Raw. Bah oui, hein, nous on s'est fait des Raw des semaines et des semaines. On est bien content d'avoir un spectacle comme C'est ça bien, pour c'est bien. récompenser notre fidélité. Voilà, Vincent, bravo. Il est gâteux, on dit etc. etc. Mais non, il ferait Fait WrestleMania du s'il bon le boulot, hein. fallait. Il est gâteux, mais il nous gâte. Je crois Et qu'on a bien voilà. mis, Nous, on est on a mis un gâtés. demi-point. On a mis un demi-point à cause de Rollins Triple H en fait. Nous, voilà, c'est Ah oui, parce qu'il y a le traumatisme derrière. Romain, ouais, voilà. C'est ça. On revient de loin. Non, non, franchement, c'était une WrestleMania magnifique. Voilà, bah, on arrive au bout. Alors. Vous vous souvenez qu'on avait fait un challenge de pronostics. Donc, qui c'est qui a gagné? C'est la Team Raw? C'est la Team Je SmackDown? crois que Team El Supplément? Patron a Et fait le j'ai un... décompte. Ouais, est-ce que tu as Putain, est-ce que je l'ai sous les yeux? Je sais que vous avez 39 points et je crois qu'on a 33. Enfin bref, vous avez gagné. Vous avez gagné de 6 points, ça je sais. Ah bah c'est bon, alors ton calcul est bon alors. Ouais. Non Ça mais me paraît je correct. sais que Tiens, c'était ça se tient. 38, etc. Mais Attendez, bref. Donc oui, vous avez largement Ah. gagné et c'est aussi largement de ma faute. Ça Donc voilà. t'apprendra. Que vous aviez. Donc de ce que j'ai compris, vous n'avez pas encore votre gage. Si, Si, vous avez déjà votre gage. si, si, D'accord. si. Bah, je vais être le seul récipient Ouais. On de avait beaucoup d'idées, mais on a le temps parce que comme on va mmh. a priori tous les gagner cette année, on a déjà une bonne liste. D'accord. Et donc? Et Donc, donc, à le premier, Ringside. qui c'est qui annonce? C'est moi qui Ah annonce? ouais, le J'annonce? maître de cérémonie, également le bourreau Non, qui doit faire on a le été Roman Reigns. gentil. On a été gentil. Le gage, ça va être pour vous de chroniquer le show bleu. Ah bon? Impact Wrestling. Ah! La fédération du hibou. Elle est très bonne celle-là. Hors de question que vous preniez SmackDown pour un gage. Attends. Impact Nous, on Wrestling. vous remplace une semaine. Moi, ça me va très bien. Ah non, non, non. D'accord. Tiens, pendant combien de temps? Oh, une semaine, c'est tout. Semaine. Oh, un show D'accord. déjà, ce sera bien. Ouais, bah, il va falloir savoir dans quoi on va caser ça. Est-ce qu'on va faire une vidéo spéciale ou tout ça? Où est-ce que Ouais. ça se Ah bah. télécharge, hein, ces trucs-là? Ouais, je sais Il y a des pas. Il y a un sources. network ou pas? Ringside, elle est où l'autopromo, la bordel? L'autopromo, bah, elle va arriver. Non, Voilà. Je te laisse te remettre des émotions. bon, ça me va très bien, ouais. Ok. Bon. Et ben voilà, c'est l'heure de l'autopromo. Donc je vous rappelle que vous pouvez nous voir, nous écouter quand il y a enfin nous voir quand il y a de la vidéo et nous écouter sur YouTube, la chaîne des Cahiers du Catch. Il y a tout le temps la vidéo sur le supplément. Je te vois faire la moue, Giscale. Vous pouvez nous écouter aussi sur iTunes, hein, très important. PodCloud, le meilleur Fameux, la fameuse plateforme. plateforme. Ah, c'est Voilà. du Donc, Made in France au moins. C'est ça, Made in France. Et on est trop bien classé sur PodCloud, arrêtez de vous moquer. Ouais, là. C'est vrai, on est les premiers. Merci. Alors, il y a aussi Twitter, Catch Up CDC. Y a là, aussi on est beaucoup moins bien classé. Facebook, Catch Up CDC. Les cahiers du catch, le site, hein, on est bien placé aussi sur ce site-là. Il y a des gens très qui bien placés. Il y a des gens qui nous aiment bien aussi. Donc voilà, pensez à vous abonner. Vous venez sur le forum, on discute, tout ça. Je vais remercier Hank et ses pouces. Hein. Je vous rappelle qu'il faut mettre des pouces aussi sur iTunes. Mettez des pouces verts ou des pouces bleus, je ne sais plus. À chaque fois, la couleur change. Bah, merci beaucoup. C'était bien sympa. J'étais impatient de parler de ce mania qu'une nouvelle fois, j'ai adoré. Donc voilà. Super, super. Le gage me va très bien en plus. Donc... Ah, peut-être changer alors. Attends, c'est la TNA. Attends, c'est la TNA sans EC Free, sans Galloway, sans. Ça n'existe plus la TNA. C'est Impact Wrestling maintenant. Oui, s'il te plaît. Tout le monde est parti. Hein. Les Hardy, toutes les stars sont parties. Donc, je suis intéressé de savoir qui va y avoir là-bas. Bref. Ce spoil, il y aura Braxton Sutter. Giscal, merci d'être venu, un peu tardivement, mais ça me fait plaisir. Hein, merci. Et IRM, évidemment, bien sûr. Merci à toi, Ringside. Je t'en prie. Voilà le supplément aussi hein, qui va arriver cette semaine. Hein. On va aussi avoir l'euro du lendemain qu'on va vous commenter. Tout ça. Si vous vous abonnez, bah, vous êtes au courant tout de suite. Puis si vous n'êtes pas abonné, bah, il est temps de vous abonner. Et moi, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine ou une bonne journée pleine de catch jusqu'à ce qu'on se retrouve. Ciao, ciao, les amis. Salut. Salut tout le monde. Allez, des bisous.